Couches différentes, des averses au nord de l'Escaut, des éclaircies sur le centre et des nuages bas sur le sud. Et la situation va peu évoluer. Donc les averses vont continuer ce matin sur cette partie ouest du pays. De belles éclaircies vont se développer sur le centre et les nuages bas auront tendance à rester un petit peu ailleurs. Les maxima du coup, 14 degrés sur les Fagnes, 20 au littoral, 21 sur le centre du pays. Demain, les éclaircies seront plus larges cette fois partout et on aura un temps sec également. 17 à 22 degrés, puis jeudi, une zone de pluie devrait nous arriver, mais pas avant la soirée. Et sur Viva, il est 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et on commence par souhaiter un bon anniversaire au métro bruxellois. Il a 40 ans, le 20 septembre 1976, quasiment à cette heure-ci, la première rame de métro à Bruxelles se met en marche. Une ligne, 16 nouvelles stations inaugurées en grande pompe. La foule était au rendez-vous et ceux qui ont assisté à l'événement s'en souviennent encore comme si c'était hier. Myriam Ball nous fait revivre ce moment. De nombreux citoyens étaient rassemblés de bonne heure, place Rogier, pour assister à l'inauguration tant attendue du métro de la capitale. 1976, les Belges ont enfin découvert ce métro qui avait mis Bruxelles sans dessus-dessous pendant des années. Les gens sont venus en masse pour voir ces premières rames, cette technologie à la pointe, ou alors simplement ces sièges d'un orange très 70s, ces stations avec des œuvres d'art. Jean-Pierre Alvin s'en rappelle, il débutait alors sa carrière de communicateur à la STIB. Ben je crois qu'il y a des gens qui ont pris congé ce jour-là pour aller visiter les stations. C'est pas possible, les gens n'étaient pas dans les bureaux, les gens n'étaient pas dans leur cuisine, dans leur foyer. Les gens étaient dans la rue, alors dans la rue et dans les stations. Tout le monde était d'accord pour citer le chiffre d'un million de personnes. La société de transport avait sorti le grand jeu. Animation, nourriture et concerts dans les 16 stations. Tout Stillmans compose un air pour l'occasion. Le roi Baudouin coupe le ruban. Les premiers passagers prédisent un avenir radieux à ce réseau, comme à Paris ou à New York. On avait attendu 50 ans, on n'était pas comme les autres villes. Et donc enfin, Bruxelles entrait de plein pied dans le monde des grandes capitales. Il faut le dire, les plans prévoyaient alors 11 lignes. Faute de moyens, le métro n'a pas conquis autant de territoires. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'euphorie sur les quais, mais il est devenu incontournable pour la mobilité de la capitale. Le récit de Myriam Ball. Le procès de Bernard Westphal reprend ce matin à la cour d'assises du Hainaut. Les enquêteurs vont venir expliquer comment ils ont travaillé et sur quoi ils se basent pour tirer leurs conclusions. Hier, l'ancien député wallon a maintenu sa version des faits. « Je n'ai pas tué mon épouse, elle s'est suicidée ». Les policiers ont ensuite fait part de leurs souvenirs, un peu flous et confus. Il apparaît à présent que le corps de Véronique Pirotton a été déplacé avant l'arrivée des premiers secours. Ce n'est pas un détail puisque c'est la position du corps qui a permis aux médecins légistes de conclure qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. Les recherches reprennent aussi ce matin à Saint-Hubert pour retrouver Chloé, 13 ans. Elle n'a plus donné de nouvelles depuis hier matin. Chloé a envoyé des SMS alarmants depuis son école. Ensuite, plus rien. Des hélicoptères et des chiens de la police fédérale sont mobilisés pour retrouver sa trace. Peut-être plus de clarté aujourd'hui pour les étudiants en médecine. Oui, les reçus collés, ceux qui ont réussi tous leurs examens à la fin de la première année, mais qui n'ont pas été assez bien classés lors du concours, eh bien ces étudiants ne savent toujours pas aujourd'hui s'ils peuvent poursuivre oui ou non en deuxième année, alors que la rentrée a déjà eu lieu. Ils ont intenté une action en justice et la décision doit tomber dans la journée, Marc Cirlero. En effet, suite aux actions en référé introduites par des étudiants de Namur, de l'UCL et de Mons, face à cette incertitude, la justice va rendre sa première ordonnance aujourd'hui à Namur et demain ce sera à Nivelles. Et normalement, entend-on sans autre certitude, la justice donnera raison aux étudiants, leur permettant de s'inscrire en deuxième année de médecine. C'était en tout cas l'espoir clairement exprimé par l'un des avocats, Jean Laurent. Le but est surtout d'obtenir qu'on l'on prenne en compte les effets de l'analyse du Conseil d'État, qui considère qu'il n'y a plus d'autres limitations d'accès à la deuxième année d'études que la réussite des 45 crédits requis. Et si c'était le cas, ce serait sans conteste une nouvelle étape importante dans ce dossier, car jusqu'à présent, les universités refusent d'inscrire ces étudiants. Et il se dit au cabinet de Jean-Claude Marcourt, en charge de l'enseignement supérieur, que si la justice donne raison aux étudiants, le ministre se soumettra à ses décisions. Et du coup, les étudiants concernés, autour des 200, pourront enfin s'inscrire en deuxième année. suite de feuilleton, mais pas encore l'épilogue, dans la journée. La Wallonie exporte de plus en plus d'armes vers l'Arabie Saoudite. 575 millions d'euros, c'est le chiffre des ventes l'an dernier, un chiffre record, quasiment 6 fois plus que 2 ans avant. D'après le journal Le Soir, qui a pu se procurer un rapport du Parlement wallon, l'Arabie Saoudite représente à elle seule 60% du secteur de l'armement en Wallonie. Voilà qui devrait une fois de plus relancer le débat sur les exportations d'armes, alors que l'Arabie Saoudite est impliquée dans la guerre au Yémen notamment. Que s'est-il passé sur le chantier du contournement de Couvain? Les responsables des travaux ont eu la très désagréable surprise de retrouver tous leurs engins avec les pneus crevés, 220 pneus au total. Ce n'est pas la première fois que les vandales sévissent sur ce chantier. Début 2015, les vitres de plusieurs véhicules avaient été brisées. Le parquet avait alors ouvert une enquête, une information à lire dans les journaux L'Avenir. Et puis la grosse mobilisation aujourd'hui à Bruxelles contre les accords de libre-échange. L'Union européenne négocie en ce moment un grand accord pour faire circuler librement les marchandises entre les États-Unis et l'Europe. C'est le fameux TTIP. Un accord du même type doit être aussi signé très bientôt avec le Canada. Là, c'est le CETA. Ces projets crispent les ONG, les syndicats, les mutuelles et de nombreux citoyens. Ils ont peur, par exemple, de voir arriver dans nos assiettes des produits qui ne respectent pas les normes européennes, comme le poulet rincé au chlore ou encore du bœuf piqué à l'hormone. La commissaire européenne Cecilia Malmström, en charge de ces négociations, veut rassurer. Ce fameux poulet de chlore, c'est interdit en Europe. Donc nous n'allons pas changer aucune loi. Les choses qui sont interdites aujourd'hui d'importer en Europe, le chlore, les bœufs à l'hormone, c'est interdit, ça ne sera pas permis. Donc rien dans cet accord menace ce loi. La Commission ne signera pas de traité si vous nous forcez à accepter des bœufs à l'hormone. Et avec le Canada, on les a forcés, justement, on a des quotas pour le bœuf, mais ils sont tous sans hormones. Donc, ils ont deux lignes de production et ils ont accepté ça. La commissaire européenne au commerce, interrogée par Bertrand Haine. La manifestation doit rassembler entre 10 et 15 000 personnes cet après-midi dans les rues de Bruxelles. On s'attend à de gros embarras de circulation. La rue de la Loi sera d'ailleurs fermée à partir de 16 heures aujourd'hui. En football, les clubs de l'élite font leur entrée en Coupe de Belgique cette semaine en 16e de finale. Oui, la plupart joueront demain, comme le Standard, le tenant du titre qui jouera à Gael. Mais il y a tout de même deux matchs aujourd'hui, Bruges-Lommel et Dessel-Moucron. Autre match à Louvain à 19h, Belgique-Angleterre, toujours en football. Mais chez les dames, les Red Flames tenteront de battre la 5e équipe mondiale, 3e européenne sur le chemin de l'Euro 2017. C'est le dernier match de la campagne de qualification. Les deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées, mais il reste encore un enjeu, la première place du groupe. Les Belges doivent gagner pour s'y installer. RTBF Mobile Info, Stéphane Piedbeuf, un accident ce matin entre Nivelles et Charleroi. C'est sur la 54, effectivement, il s'est produit à hauteur de l'eau de l'Insard et cet accident implique plusieurs véhicules. La circulation s'effectue uniquement via la voie d'arrêt d'urgence et donc il y a des files depuis Jumet sur 4 km. Il faut ajouter 15 minutes en direction de Charleroi. En province de Liège, vous êtes ralenti suite au chantier de Cherat sur l'E40 et Aix-la-Chapelle-Bruxelles dans les deux directions. Vers Bruxelles essentiellement, d'ailleurs ce matin, 5 km de ralentissement et on ajoute 10 minutes. Ralentissement également sur l'A602 Lons-Saint-Chesnais ou plutôt déjà sur l'E25 entre Hambourg et Saint-Nicolas sur 4 km pour rejoindre la cité ardente. Et puis du côté de Bruxelles, pour rejoindre la capitale, on perd entre 10 et 15 minutes sur le 429 qui vient de Tournai, sur le 19 qui vient d'Anvers, ainsi que sur le 40 qui vient de Liège, entre 20 et 25 minutes sur le 411 qui vient de Namur et sur le 40 qui vient de Gand où vous ralentissez à partir d'Alost sur le ring de la capitale. 36 minutes de retard entre Hautitre et le carrefour Léonard en circulation extérieure. On ajoute 22 minutes en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem et puis les ralentissements habituels dans les tunnels bruxellois à l'image du tunnel Louise au tunnel Porte de Halle où il y a des ralentissements également dans la liaison du tunnel Stéphanie vers la Basilique. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle journée sur Vivacité, sur la Une en télé, le débat de C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. C'était Sébastien donc pour l'info, la rédac revient dans une heure. À nous maintenant de commenter la Belgique. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070 233 466, des Carolos vont porter plainte contre leur ville pour insécurité à cause des dealers sous leurs fenêtres. Quand on a des dealers en bas de chez soi, on fait quoi ? Un groupe de riverains de la ville haute à Charleroi envisage donc une action en justice contre la ville pour non-assistance à personne en danger. Voilà comment les riverains se qualifient. Il paraît que dans le quartier, tout le monde se sent en insécurité car les dealers font leur business, je cite, en totale impunité. Pourtant, la ville a agi. Depuis quelques mois, c'est l'opération Vauban. Charleroi multiplie les opérations de police dans la ville pour ramener l'ordre. Des opérations anti-drogue, des gros budgets dégagés, plus de 900 000 euros, 52 000 heures supplémentaires financées pour enrayer le phénomène. La ville n'est pas inactive, mais selon le comité de riverains, tout cela est sans effet. Je cite, « Les dealers continuent à aller et venir, ils sont redevenus maîtres du terrain. » Alors c'est la question pour vous ce matin. Des Carolos ont porté plainte contre leur ville pour insécurité à cause des dealers sous leurs fenêtres. Quand on a des dealers en bas de chez soi, on fait quoi ? Bernard Westphal à propos de l'amant. « Si ce type nous avait fichu la paix, Véronique serait toujours de ce monde. » La présence d'un amant dans un couple, est-ce que ça peut rendre fou ? En livrant sa vérité, hier, Bernard Westphal a donc tenté de faire comprendre au jury le rôle néfaste qu'un amant peut jouer dans un couple. 5 mois après son mariage, il découvre une lettre qu'il dit outrageusement parfumée. Cette lettre est adressée à Véronique Pirotton, signée par l'ancien compagnon de Véronique Pirotton. Il évoque, l'amant évoque donc dans cette lettre de manière salace un rapport sexuel qui s'est déroulé 2 semaines plus tôt. L'amant harcelait, le couple Westphal-Pirotton a porté plainte, mais madame est allée ensuite seule retirer sa plainte. Le dernier jour, dans la chambre d'hôtel, l'amant était là aussi. Il a appelé, dit au téléphone « C'est ton grand méchant loup ». Bernard Westphal l'a entendu et a dit hier au jury qu'il ignorait jusqu'au bout qu'il s'appelait tous les jours et qu'il se voyait tous les 2 jours. C'est là qu'il a donc eu cette phrase que vous allez commenter ce matin. Bernard Westphal, à propos de l'amant, « Si ce type nous avait fichu la paix, Véronique serait toujours de ce monde. La présence d'un amant dans le couple, est-ce que ça peut rendre fou ?» Et puis au 070-233-466, 2 enfants sur 3 entre 11 et 18 ans ne se sentent pas en sécurité dans les lieux publics. Vos enfants ont-ils peur ? L'avez-vous déjà constaté ? Dans le cadre de l'opération Ouvrir mon quotidien, les journaux francophones publient ce matin une grande étude sur le sentiment des 11-18 ans. Et on y découvre des jeunes pas très optimistes. 43% estiment que leur situation va se dégrader, notamment à cause de l'emploi. Plus généralement, les jeunes estiment que le climat est anxiogène, il y a beaucoup d'intolérance, une dégradation du climat ambiant. L'angoisse des jeunes se manifeste donc surtout dans les lieux publics. 2 jeunes sur 3 ne s'y sentent pas en sécurité. C'est l'effet des attentats qui ont frappé l'Europe ces dernières années. Les filles sont plus négatives que les garçons lorsqu'on évoque la sécurité. C'est la question pour vous ce matin. 2 enfants sur 3 entre 11 et 18 ans ne se sentent pas en sécurité dans les lieux publics. Est-ce que vos enfants ont peur ? L'avez-vous déjà constaté ? Marion Jomotte, le standard est ouvert. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070 233 466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, 3 débats, dans C'est vous qui le dites. Les Carolos qui portent plainte contre leur ville pour insécurité. Comment un amant déstructure un couple ? Et enfin, 2 enfants sur 3 qui se sentent en insécurité dans les lieux publics. Le débat peut à présent commencer. Les 2 premiers débatteurs s'installent en ce moment en studio. Il s'agit de Déborah Laurent, journaliste 7 sur 7, et Mathieu Ladevez, rédacteur en chef adjoint de La Dernière Heure. Déborah et Mathieu, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Des Carolos vont donc porter plainte contre leur ville, la ville qui est estimée responsable d'insécurité à cause des dealers qui sont sous les fenêtres. Quand on a des dealers en bas de chez soi, on fait quoi ? Est-ce que vous êtes d'accord avec la qualification des faits, Mathieu ? Ces riverains parlent de non-assistance à personne en danger. Ils se sentent non aidés parce que des dealers font le petit business dans la rue. Je ne sais pas si tous les riverains sont en danger. Je pense que la qualification est un peu exagérée. Par contre, la méthode est bonne. Enfin, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre que d'appeler les autorités publiques, en tout cas ceux qui sont censés vous assurer une vie, ou bien en tout cas une vie calme et paisible. Qu'est-ce que vous comprenez, Déborah, dans cette phrase ? Les dealers continuent à aller et venir, ils sont redevenus maîtres du terrain. Maîtres du terrain, comme si la rue leur appartenait. Bah, c'est un peu ça. Hein. Il y a des rues comme ça où des dealers effectivement traînent, parce que c'est vraiment ça. Ils restent là toute la journée et du coup, ça donne un sentiment d'insécurité aux riverains qui aimeraient bien être tranquilles. Donc, je peux comprendre l'agacement au départ et puis la peur qui s'installe parce qu'ils voient bien que la police n'agit pas comme il faut, en tout cas pas suffisamment. Donc oui, moi, je peux comprendre qu'ils en arrivent à des mesures pareilles. Pourquoi dans les villes, les dealers ont une telle aisance? Ils se placent donc sous la fenêtre d'habitants et n'ont pas peur du regard des habitants, n'ont pas peur des gens qui vont et qui viennent. Pourquoi les dealers dealent avec autant d'aisance dans les quartiers, comme ça, en s'installant où ils veulent? Je pense que d'abord, ce n'est pas des personnes gentilles de prime abord. Ce sont des voyous, des crapules. Ils n'arrivent jamais seuls. C'est un réseau organisé avec des guetteurs, une bande, ça tourne. Donc, ce n'est pas si inconscient que ça. Quand ils sont à un endroit, c'est qu'il y a une surveillance qui doit s'établir. Ce qu'il faut, c'est maîtriser le quartier. Ça veut dire faire en sorte que si on voit la police arriver, on puisse se voir le plus vite possible. Donc, c'est forcément un maillage d'un quartier. Alors, souvent, c'est dans des cités ou dans des zones ou au pied d'immeubles. C'est beaucoup plus facile. En plus, ce sont généralement des jeunes qui se connaissent. C'est des jeunes du même quartier. Là, je ne sais pas si c'est le cas à Charleroi. Donc, ça crée forcément un sentiment d'insécurité parce qu'on sait que bah, y a tel dealer là, un pote là, un guetteur là. Bon, ils sont parfois armés, parce qu'il y a parfois de la concurrence. Et surtout, ça ramène des drogués. Donc, c'est pas non plus génial. Si c'est de la Marie-Jeanne, comme on voit en photo derrière vous, c'est peut-être moins grave. Mais sur les drogues dures, ça peut poser des nuances aussi encore beaucoup plus graves. Quoi. On fait quoi? Parce qu'ici, c'est Carole qui a décidé de porter plainte contre la ville en disant c'est à vous d'agir. Mais on fait quoi? Est-ce qu'on peut descendre, Déborah, et demander à un dealer de se déplacer, d'aller ailleurs, de me laisser tranquille? J'imagine que c'est pas juste une personne qui est appuyé contre un mur qui vend effectivement des drogues douces. Je pense que s'ils en arrivent là, c'est que ça doit être un petit peu plus violent que ça. Comme disait Mathieu, c'est des gens qui peuvent être armés. Ils sont probablement peut-être pas en bande, mais une, deux personnes ensemble, parce que j'imagine qu'entre eux, entre dealers, ça les rassure effectivement s'il y a de la concurrence. Mais on peut faire quelque chose, nous, le citoyen, on peut? On peut rien faire. Ben, on peut descendre et aller leur dire, mais moi je peux comprendre qu'on ait peur. Donc effectivement, on s'adresse aux autorités et on essaye de faire changer les choses à ce niveau-là. Mais si les autorités n'ont pas les moyens de le faire, ben, je plains vraiment les riverains là actuellement. Ça a pas l'air de se débloquer. Ici on dit il y a les moyens. Donc un budget de 900 000 euros qui a été libéré. Il y a des opérations de police récurrentes et malgré ça, ces riverains disent ils sont encore là. C'est l'échec de la police, ça ? Bah, visiblement, oui. C'est que c'est pas suffisant, les mesures qu'on prend. Il faut les arrêter, il faut les mettre en prison. Après, les prisons sont surpeuplées, il y a d'autres problèmes aussi actuellement. Et puis, il faut savoir prouver aussi que ces gens sont en train de vendre dans la rue. J'imagine que c'est pas aussi simple qu'ils se trimballent pas. Ils sont quand même un petit peu malin, je suppose, ils ne se trimballent pas avec des énormes quantités sur eux, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils peuvent faire de plus. C'est ça que ça veut dire quand ces riverains vont en justice pour non-assistance à personne en danger? Ils disent à la ville, non seulement vous avez échoué, mais vous ne m'aidez pas. Il y a une notion d'échec là-dedans, Mathieu. Mais l'échec, il est permanent, parce qu'on voit que la ville de Charleroi a mis des moyens, fait des opérations, mais bon, vous arrêtez cela, il y en a demain, il y en a autant qui reviennent. Si jamais vous faites des opérations sur le moyen terme dans ce quartier-là, ils vont aller dans un autre quartier. Enfin, c'est quand même un éternel débat. La seule façon de d'éradiquer ce genre de trafic-là, c'est la légalisation, c'est-à-dire casser les prix du marché et vendre ça dans des officines spécialisées, officielles, etc. C'est un autre débat. Mais donc, ah ben je note ça. À la question, on fait quoi? Vous me dites, on légalise. À la question, on fait quoi? On légalise, on libéralise le cannabis. À Charleroi ou ailleurs, bien sûr. En attendant, c'est un avis à Charleroi. Nicole, bonjour. Oui, bonjour. Des Carolos vont porter plainte contre leur ville pour insécurité à côté des dealers sous leurs fenêtres. Avant de nous dire ce qu'on fait quand on a des dealers en bas de chez soi, est-ce que vous en avez déjà vu, vous? Yes, tous les jours, presque. Tous les jours, où ça? Devant le parc Rena Street à Charleroi, j'habite en face. Et comment vous savez que ce sont des dealers? Vous voyez quoi? Oh ben vous savez, d'abord dans la journée, là c'est dans le parc, quand j'y vais de temps en temps avec mes petits-enfants, vous en voyez qui tournent, qui retournent, et puis qui sortent de leur poche, et puis qui se rendent compte, ça se voit. Et surtout le soir, parce que comme je ne sais pas toujours bien dormir, je me mets sur ma terrasse, vous voyez surtout alors des voitures qui s'arrêtent. Et voilà, et les gens viennent aux voitures et ça se voit. Mais Nicole, en journée, de quoi parle-t-on? Ça vous fait peur? Vous êtes en insécurité ou vous me parlez juste d'une petite nuisance parce qu'il y a un va-et-vient? De quoi parle-t-on? D'abord, la journée, j'ai moins peur. Le soir, j'ai très peur, je sors plus dès qu'il fait noir. À l'heure actuelle, c'est comme ça. Mais c'est lié au noir, c'est pas lié au dealer. Ce que je trouve inadmissible, c'est que ça se fait en journée alors qu'il y a plein d'écoles tout autour de ce parc. Alors on fait quoi? On fait quoi quand on a des dealers en bas de chez soi, Nicole? Vous faites quoi, vous? Moi, je ne sais rien faire, parce que si je m'attaque à ces gens-là, on a toujours peur des représailles. Ce qu'il y a, mais moi je n'en ai pas à la police de Charleroi parce que je trouve qu'elle fait très bien son travail, le mieux qu'elle peut, surtout à l'heure actuelle. Ah ben l'opération Vauban est une opération d'ampleur, hein, 900 000 euros, et l'opération a démarré, si ma mémoire est bonne, en 2013, donc elle a démarré assez tôt. Nicole, je retiens cette phrase qu'on commente rapidement, moi je ne sais rien faire, c'est ça le constat Mathieu, un riverain ne peut rien faire. C'est révélateur du sentiment d'impunité qu'ont ces bandes de dealers, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas peur des riverains, elles n'ont pas peur de la police, vu qu'elles sont visiblement suffisamment organisées, suffisamment mobiles et prévenantes. Donc c'est ça qui est inquiétant. Je pense que le riverain ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est subir ou alors sympathiser avec eux. Mais ça, je pense que c'est peine perdue. Face aux dealers, le riverain perd toujours, Déborah. Voilà la conclusion déjà. Il perd pas toujours, mais c'est ce que je vous disais. Si moi, je peux comprendre la peur d'une arme cachée, d'une provocation. J'imagine que s'il dit, il consomme probablement aussi. Donc, peut-être dans donc le riverain perd toujours. S'il a peur et qu'il y a un représailles possible, il perd toujours. Oui, probablement. C'est un oui probablement, à vous de vous prononcer. Des Carolos vont porter plainte contre leur ville pour insécurité à cause des douleurs, des dealers sous leurs fenêtres. Quand on a des dealers en bas de chez soi, on fait quoi? Dans un instant, le deuxième débat sur la table, Bernard Westphal à propos de l'amant. Si ce type nous avait fichu la paix, si seulement, c'est quoi la présence d'un amant dans un couple? Vous nous direz les effets. Deux enfants sur 3 entre 11 et 18 ans ne se sentent pas en sécurité dans les lieux publics. Et puis 10h45, la question qui dérange. Les assistants sociaux des CPS devront trahir le secret professionnel et dénoncer les radicalisés. Peut-on encore avoir confiance dans les assistants sociaux puisqu'ils ne sont plus soumis au secret? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39 euros par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Pierre rejoint sa toute nouvelle Seat Ateca les mains chargées de courses. Max, son fils, se précipite pour l'aider. J'ouvre le coffre, pas ? Laisse, je vais le faire avec mon pied. Les voici maintenant sur la route. Attention, pas, il y a une voiture qui nous dépasse, là. T'inquiète, mon rétroviseur m'a déjà prévenu. Arrivé dans leur rue, Max lui dit... Là, regarde une place, ça va aller ? Demande à ma voiture, elle se gare toute seule. Bon, si ta voiture fait tout, je peux la conduire. Ah, c'est ça. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Et hop, le bon plan en septembre, c'est d'acheter une Citroën au Garage Pigeon. Garage Pigeon, 50 ans de Citroën, ça forge la confiance. Et durant ce mois de septembre, prime de reprise intéressante, 50% de remise sur les options et des offres alléchantes sur les véhicules de stock. Garage Pigeon, 59 rue Général Le Mans, Heiterbeek. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. Pour réécouter les meilleurs moments du premier talk show radio du foot en Belgique, rendez-vous sur vivacité.be. Vivacité présente les Fêtes Romanes, festival des arts de la rue à Volubilis. Cirque contemporain, danse, acrobatie aérienne, jonglerie, théâtre de rue, plus de 70 spectacles à découvrir, mais aussi un immense village vert, la rencontre des créateurs et des animations pour toute la famille. Un événement gratuit les 24 et 25 septembre. Volubilis.be. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Deuxième débat sur la table, on commente l'actualité avec vous, avec Mathieu Ladevèze, la dernière heure les sports, avec Déborah Laurent, 7 sur 7.be. Bernard Westphal à propos de l'amant. Si ce type nous avait fichu la paix, Véronique serait toujours de ce monde. Voilà ce qu'il a déclaré hier en commençant à parler du rôle trouble de l'ancien compagnon de Véronique Pirotton. C'est donc lui, l'amant. C'est lui qui a envoyé cette lettre outrageusement parfumée dans laquelle Bernard Westphal a découvert qu'il y avait une relation sexuelle 2 semaines avant. Il dit avoir découvert sur le tard ô combien sa femme était encore en contact avec l'amant. Ils s'appelaient tous les jours, se voyaient tous les 2 jours. De manière générale, Déborah, est-ce que vous comprenez que la présence d'un amant dans un couple puisse à ce point rendre fou et peut-être nous faire perdre les repères de bienséance, de légalité, de comportement ? Oui, je pense. Le sentiment de jalousie peut provoquer des crises et de colère et de rage. Parfois, on a l'impression presque de se regarder s'énerver tellement on sort de soi, quoi, d'agacement, de frustration, de ce sentiment de ne rien pouvoir faire contre, de ne pas pouvoir lutter. Je peux comprendre que ça puisse rendre fou. C'est un élément, un amant, c'est un élément qui fait partie du couple, Mathieu, ou c'est quelque chose qui est en dehors du couple et qui vient en permanence le brutaliser, le heurter, le fragiliser ? Dans l'affaire Westphal, de manière générale, d'abord. Ça dépend comment ça se passe. Là, visiblement, il faisait vraiment partie du couple. C'était le troisième homme de la bande. Après, moi je trouve que cette phrase-là est très limite, ce qu'il a dit en tout cas. Pourquoi vous la trouvez limite? Si ce type nous avait fichu la paix, elle serait encore de ce monde? Parce qu'il incrimine le type alors qu'il peut aussi incriminer sa femme. Quand il y a un corrupteur, il y a un corrompu. C'est-à-dire quand il y a un amant, il y a une maîtresse. Donc, c'est toujours plus facile d'accuser l'amant. C'est plus facile d'accuser l'autre que d'accuser l'être qu'on aime. Donc c'est un peu facile, c'est sous le coup de l'émotion, je le comprends. Moi je pense que ça ne doit jamais rendre quelqu'un de fou, d'être trompé, ça peut susciter comme disait Déborah, de la colère, de la haine, de la tristesse, mais de la folie, ça veut dire qu'on est déjà un peu fou dans sa tête avant, donc je ne peux pas justifier ça. Non. C'est une réflexion générale, puisque nous n'étions pas dans le couple Westphal, est-ce que l'amant, de manière générale, il a conscience de ce qu'il provoque dans le couple, à votre avis Déborah? Est-ce qu'il a conscience que ça peut fragiliser, énerver à ce point-là, ou il ne sait pas? Bon, oui, a priori, il a conscience, mais il s'en fout. Il s'en fout. C'est pas son problème. A priori, c'est pas son problème. Le couple de l'autre. Enfin, on dit toujours, voilà, c'est ton mari, pas le mien, quoi. C'est, je pense que c'est ça dans sa tête à cet homme-là. Je voudrais votre avis sur un moment, et ça nous ramène ça à l'affaire Westphal. Quand on découvre cette lettre, il découvre une lettre écrite par l'ancien compagnon de Véronique Pureton qui évoque de manière salace un rapport sexuel 2 semaines plus tôt. Sur l'effet que peut générer ce genre de découverte. Oui, on s'y attend pas, ou alors peut-être qu'il s'y attendait, je sais pas du tout, effectivement on n'était pas dans le couple et donc je pense qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on dit vu qu'il est toujours présumé innocent jusqu'ici, mais oui, recevoir un courrier comme ça, tomber dessus, ça fait plaisir à personne, ça je veux bien l'entendre, effectivement ça peut mettre hors de soi, de là à en venir aux mains, c'est la limite elle est là, on peut devenir dingue mais alors on s'en va, on passe pas en face de la personne pour. Je vous demande pas si ça a déclenché quelque chose, hein. Je demande simplement si ce genre de lettre est d'une force et d'une violence incroyable, découvrir ça, ouvrir une lettre outrageusement parfumée, on doit se sentir c'est la trahison extrême, donc en effet ça doit mettre dans une rage, dans une colère folle, ça je peux le comprendre. Après, est-ce qu'ils étaient en train de reconstruire leur couple? Est-ce qu'ils étaient en psychothérapie pour dire bon, oui, non? Ils avaient porté plainte contre lui pour harcèlement, elle a retiré sa plainte, visiblement. Donc il y a des choses qui ne sont pas encore claires là-dedans. D'un être raisonnable, il aurait plutôt tendance à dire bon, voilà, c'est peine perdue, elle en aime un autre, elle me trompe, je m'en vais, merci, au revoir. Et c'est comme ça que ça devrait idéalement se passer, sauf que ça ne se passe jamais comme ça. Et voilà. On demande un avis à Liège. Liliane est en ligne, bonjour. Bonjour. Bernard Westphal à propos de l'amant, si ce type nous avait fichu la paix, Véronique serait toujours de ce monde. La présence d'un amant ou d'une maîtresse dans un couple, ça peut rendre fou, Liliane? Oui, ça rend fou. Et à moins que votre intervenant là, ne soit pas amoureux de sa femme, pour dire que, quand c'est fini, on s'en va. S'il est vraiment amoureux de sa femme, il ne va pas se contenter de ça. Hein. Je me permets cette indiscrétion, Liliane. Vous avez vécu la présence d'un troisième individu dans le couple? Tout à fait. Vous nous expliquez rapidement. Visiblement, comme c'est toujours le cas, tout le monde le savait, je ne vais pas dire sauf moi, puisque tout le monde me disait qu'il le faisait, mais j'étais tellement amoureuse de lui que c'en était au point que je disais, je le verrais dans un lit avec une autre, je dirais que ce n'est pas vrai, donc c'est vous dire à quel point j'étais amoureuse. Et puis, il m'a trompée avec la femme de mon frère. Et je dois dire que c'est vrai que ça a été une véritable folie, mais... Liliane, cette maîtresse, elle a été dans le circuit pendant combien de temps? Oh ben maintenant, il est marié avec. Elle venait vers vous? Elle parasitait votre couple? Ou elle ne venait jamais, ni par téléphone, ni par intrusion? Si, de toute façon, elle venait s'occuper de mes enfants, elle venait promener avec mon mari, parce que moi, c'est vrai que je n'étais pas très promenade. Donc, elle s'est infiltrée, mais de toute façon, je pense que ça durait même avant notre mariage. C'est la seule chose que je voudrais éclaircir, c'est si c'était déjà avant mon mariage. Moi, en attendant, j'ai eu 3 enfants,

dû au contexte terroriste, c'est pas pédophilie, c'est pas on va enlever mon enfant, etc. Mmh. C'est uniquement, ou bien agression permanente, incivilité en ville. Moi, ça m'a surpris parce que je n'ai pas ce ressenti. Je connais pas mal d'eau de plutôt 11, 13 que 14, 18, que je vois partir à vélo tout seul à l'école. Enfin, je trouve que je n'ai pas ce ressenti-là dans mon vécu personnel, en tout cas chez les jeunes que je connais. Alors, même chose chez Déborah, est-ce que ce chiffre est une surprise pour vous? 2 enfants sur 3, pas en sécurité dans les lieux publics, et surtout les filles d'ailleurs. Ben oui, mais c'est ce que j'allais dire. Je pense que le ressenti est différent quand on est une fille ou un garçon, parce que moi, je me sens parfois en insécurité. Parce que mais vous avez au-delà de 18 ans. Il n'y a pas que ça, il y a un côté, voilà, les gens autour de nous, quand on est une fille, on se fait plus vite toucher, bousculer, on ne se fait pas respecter. Dans les transports, dans la rue, je peux comprendre le sentiment. Ouais, ça m'étonne pas trop, moi. Possible, ça, Mathieu, que la crainte des incivilités que ressentent les filles, de fil en aiguille, se transforme en peur des attentats et de quelque chose? Non, je crois surtout que les ados sont baignés dans un flux d'informations, dans une ambiance très anxiogène où on parle justement de la menace terroriste permanente et que quelque part, ça leur bourre le crâne, comme ça bourre le crâne de toute personne un peu normale qui s'intéresse à ce qui se passe autour de lui. Donc voilà, ça s'est rentré dans leur tête, donc ils se disent que, donc je pense qu'une ado de 14 ans qui prend le métro regarde à deux fois où il fait plus attention qu'avant les attentats du 22 mars, tout simplement. Est-ce que ça veut dire qu'on a oublié de se préoccuper de l'impact des attentats de Paris, de Bruxelles sur nos jeunes? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'impact sur les professionnels qui ont agi, on a beaucoup parlé de l'impact sur les populations, sur les adultes que nous sommes. Est-ce qu'on a oublié médiatiquement, Déborah, de s'intéresser à l'impact que ça pouvait avoir sur nos ados? Ben oui, probablement, et je pense que c'est notre faute à tous les journalistes. On a sorti des infos, parfois avec un manque de tri, une envie de bien faire de toute façon, mais effectivement, ce flux d'informations pas trié, auquel tous les jeunes ont accès maintenant sur Internet, tout le temps. Je peux imaginer, ils lisent ça tout seuls dans leur chambre le soir, ils paniquent, ils n'en parlent pas autour d'eux parce qu'ils se disent que... Voilà, ils n'ont peut-être pas de raison de paniquer, ils n'osent pas en parler, et donc en fait, ça grandit, et ça mène à un sentiment d'insécurité générale. Les jeunes dénoncent un climat qui est anxiogène, donc tout ce qui est là autour nous angoisse. Pourquoi? Parce que les jeunes sont plus exposés que d'autres aux médias, à l'information? Ils suivent plus que nous, les adultes, tout ce qui se passe en matière d'attentats, Syrie, djihad? Selon le sondage mené pour Ouvrir mon quotidien, c'est clair qu'ils suivent énormément l'actualité, d'abord via la télé, ensuite via les réseaux sociaux, Facebook, etc. Donc, ils sont inondés de toutes ces informations qui sont généralement plutôt négatif que positif. Le journal des bonnes nouvelles, je pense que tout journaliste, tout rédacteur-chef rêve d'en faire un jour, mais c'est très très difficile, c'est même voire impossible. Donc oui, ils sont inondés de ça, sans les filtres que nous, adultes, avons, c'est-à-dire être capable de résister à un boss un peu compliqué, enfin savoir que la vie n'est pas évidente. Eux sont beaucoup plus naïfs, peut-être moins prêts à encaisser tout ça. Donc on peut comprendre que oui. On va se connecter au 0 70 233 466 sur la table. Donc Marion, 2 enfants sur 3 entre 11 et 18 ans ne se sentent pas en sécurité dans les lieux publics. Est-ce que vos enfants ont peur? L'avez-vous déjà constaté à ce propos? À ce propos, ce commentaire de Christine de Benezet qui arrivait au travail et qui donc ne peut pas s'exprimer à l'antenne, eh bien oui, elle l'a déjà remarqué. Elle a une fille de 15 ans qui n'ose plus prendre le bus toute seule, du moins à partir d'une certaine heure et surtout quand il commence à faire noir. Donc sa fille avait l'habitude de rejoindre ses amis toute seule à Liège en bus. Et bien maintenant, elle ne veut plus le faire. Christine a remarqué cette différence, mais par contre, elle ne sait pas vraiment expliquer les raisons de ce changement. Dernière chose à leur retour de la table, un adolescent à 11-18 qui vient et qui exprime très clairement sa peur dans un espace public. Qu'est-ce qu'on doit lui dire alors, Déborah? Qu'il exprime sa peur dans l'espace. Il dit j'ai peur, il est là, j'ai peur, qu'est-ce qu'on lui dit? Oui, c'est ça, on lui dit que déjà il doit se déconnecter un petit peu aussi des réseaux sociaux parce que je pense que ça encourage ce sentiment de peur. On a tendance à oublier face à son écran à quoi ressemble la vie à l'extérieur. Je pense qu'ils doivent quelque part prendre un peu sur eux. Parfois on a des peurs irrationnelles. Mais on doit lui dire, tu as raison d'avoir peur puisqu'on nous dit qu'on doit vivre aujourd'hui autrement et qu'on doit avoir une autre conception de la sécurité. On doit lui dire, c'est normal d'avoir ce sentiment de temps en temps, mais ta vie ne peut pas être gouvernée par cette peur-là, donc il faut aller au-delà. On est dans des pays quand même relativement sécurisés par rapport à plein d'autres. Il y a des jeunes qui grandissent dans des pays en guerre. Donc oui, il a raison d'avoir peur, mais on est quand même bien lotis et ça, il faut qu'ils s'en souviennent. On peut dire ça aux jeunes, Mathieu, tu as raison d'avoir peur, on ne vivra plus jamais de la même manière? Non, moi je pense que je ne dirai jamais ça à mes gosses, ça c'est certain. Parce que nous on nous l'a dit à nous les adultes, hein, ça. Qui dit ça sont les hommes politiques ou les philosophes, on n'est pas obligé d'écouter ces gens-là, on écoute qui on veut et on se fait ses propres convictions par rapport à notre vie, notre environnement proche. Il faut aussi relativiser un petit peu ce qu'on entend. sur dire ta raison, enfin dire aux enfants qu'ils ont raison d'avoir peur. Si la peur, elle est ciblée, si elle est identifiée, on peut la régler facilement. Si c'est une peur diffuse comme ça, bah alors faut lui donner des cours de Krav Maga ou de karaté ou de judo, lui dire mon coco, comme ça, si jamais t'as un moindre souci, tu te défends tout seul. Mais justement, j'ai vu un article écrit par une de mes collègues sur 7 sur 7 ce matin qui disait la phrase à ne jamais dire à un enfant anxieux, c'est justement ça va aller. Il faut lui permettre d'exprimer sa peur. Donc il a le droit de dire qu'il a peur et l'adulte est là pour le rassurer. Vous avez des enfants entre 11 et 18 ans. Votre parole, évidemment, sera importante. Déborah Laurent, Mathieu Ladevèze, bonne journée tous les deux. Bonne journée. Merci, au revoir. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Des Carolos vont porter plainte contre leur ville pour insécurité à cause des dealers sous leurs fenêtres. Quand on a des dealers en bas de chez soi, on fait quoi ? Bernard Westphal à propos de l'amant. Si ce type nous avait fichu la paix, Véronique serait toujours de ce monde. La présence d'un amant dans un couple, est-ce que ça peut rendre fou ? Et puis deux enfants sur trois entre 11 et 18 ans ne se sentent pas en sécurité dans les lieux publics. Vos enfants ont-ils peur ? L'avez-vous déjà constaté ? 070-233-466 par SMS au 3063. Allons à la Louvière. Calot Gérant en ligne, bonjour. Bonjour, Benjamin. Avant de nous dire ce qu'on doit faire quand on a des dealers en bas de chez soi, est-ce que vous en avez déjà vu près de chez vous ? Mais j'en ai pas vu près de chez moi, j'en avais dans mon bâtiment. Vous nous expliquez la configuration des lieux à l'époque ? S'il vous plaît. Vous nous expliquez la configuration des lieux ? Ils étaient où ces dealers ? Ben voilà, j'habitais dans le centre de Mons. Et voilà, mais il faut bien faire la comparaison. C'était des dealers de drogue dure, c'était pas des dealers de drogue douce, parce que la vente de drogue douce et de drogue dure n'est pas la même. Calogero, rapprochez-vous du téléphone parce que je vous entends vraiment de manière très lointaine et ça complique un peu le dialogue, enlever les kits main libre et tout ce qui va avec. Calogero, ces gens étaient donc en bas de chez vous dans l'immeuble à Mons. On fait quoi quand on a des dealers ? Non, c'était mes voisins, oui. Eh ben on fait quoi quand c'est les voisins en plus ? On fait quoi ? On fait quoi ? On se cache en dessous du lit, on a peur, on stresse, on devient parano. On s'en va en courant. Moi, je suis parti d'abord en courant. Et vous leur avez pas dit, s'il vous plaît, pourriez-vous arrêter ou vous déplacer ? Vous leur avez pas parlé ? Et vous avez déjà parlé avec quelqu'un à 4h au matin qui vient casser une porte parce qu'il est en manque et qu'il vient chercher sa dose ? Dans le cas qui nous occupe, des Carolovs ont porté plainte contre la ville pour non-assistance à personne en danger. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi, la non-assistance à personne en danger ? Il n'y a pas de non-assistance à personne en danger, puisque ces personnes-là, elles veulent être comme ça. Mais vous sentiez en danger ? Moi, oui, à partir de 6h au soir, je ne sortais plus. Et vos voisins, les fameux dealers, vous pensez qu'ils le savaient ? C'est un monde où ils ne comprennent plus rien. Donc les craintes et les interpellations sont sans effet. Calogero confronté au dealer à Mons. RTBF Mobile Info maintenant. Stéphane. Pour cet accident, Benjamin, sur l'A54 Nivelles-Charleroi à hauteur de l'Aude-Linsard, le passage s'effectue uniquement via la voie d'arrêt d'urgence en direction de Charleroi. Et puis pour rejoindre Bruxelles, ça va beaucoup mieux sur l'ensemble des axes. On perd 15 minutes cependant sur le 411 qui vient de Namur où vous ralentissez entre Rosières et le carrefour Léonard. Moins de 10 minutes sur le 40 qui vient de Liège et sur le 19 qui vient d'Anvers. On ajoute un quart d'heure sur le 40 qui vient de Gand pour rejoindre Grand Bigard. Sur le ring, les temps de parcours sont les suivants. 20 minutes supplémentaires entre Ytre et le carrefour Léonard, c'est pour la circulation extérieure. Et une dizaine de minutes seulement en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem. Et puis en province de Liège, il y a des ralentissements sur le 25, Bastogne-Liège, et plus précisément sur l'A602 Long-Saint-Chesnay, pardon, des files depuis Saint-Nicolas sur 3,5 km vers Chesnay, donc 15 minutes supplémentaires. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, nous allons à Bastogne. Dany, qui a deux enfants de 12 ans et 5 ans, viendra nous dire si ses enfants ont peur dans l'espace public. Dayway Car Center, votre concessionnaire Kia du nord de Bruxelles à Meiz et à Vilvoorde, vous invite à découvrir la nouvelle Kia Niro, le nouveau crossover hybride. Conditions exceptionnelles sur toute la gamme pendant les Kia Surprise Days jusqu'au 24 septembre à Meiz et à Vilvoorde. Plus d'infos sur dwcc.be. Dayway Car Center. Ce message s'adresse à vous, qui gardez de l'argent pour les enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant. Oui, vous. Qui voulait vous lancer dans les placements, vu que l'épargne, ce n'est plus comme avant. Pour vous, CBC a formé des conseillers qui vous proposent les solutions adaptées à vos ambitions et vous parlent sans langue de bois, dans les bons comme dans les moins bons moments. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décidez d'investir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. On est toujours gagnant chez Intermarché. Et plus encore, c'est samedi 24 septembre. Pour la journée du client, nous vous offrons un livre de recettes et nous doublons les euros reversés sur votre carte de fidélité. Wow. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés. Horaires en magasin. Traverser l'Afrique ou parcourir l'Amérique ? Lâchez-vous ! Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances ? Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire ? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année ? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en véranda. RTBF présente Mix City. Bruxelles, oh Bruxelles. 2017, c'est l'année de la diversité à Bruxelles. Alors venez vous mélanger à Hello Mix City. Grand concert d'ouverture avec 120 artistes, 20 pays, 10 langues, 2 scènes et c'est gratuit. Hello Mix City, Mont des Arts, vendredi 30 septembre à 18h. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, BX1 et Le Soir. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, Bernard Westphal à propos de l'amant. Si ce type nous avait fichu la paix, Véronique serait toujours de ce monde. Est-ce que la présence d'un amant dans un couple, ça peut rendre fou à ce propos ? À ce propos, oui, pour Natacha de Custine. On peut perdre les pédales à cause d'un amant ou d'une maîtresse dans un couple. Natacha a perdu le contrôle, elle a vécu cette situation. Elle a perdu le contrôle lorsqu'elle a découvert que son mari la trompait avec sa meilleure amie. Alors, il a voulu la quitter et pendant des mois, Natacha l'a harcelée. Elle est même allée jusqu'à aller crever les pneus de sa voiture. Aujourd'hui, avec du recul, Natacha reconnaît qu'elle a dépassé les limites, mais à l'époque, eh bien, elle a vu rouge, elle n'aurait tout simplement pas su faire autrement. C'est vous qui le dites à Bastogne. Dany, bonjour. Bonjour. Et vous avez donc à la maison une fille de 12 ans, un garçon de 5 ans. On découvre dans ce sondage auprès des francophones que 2 enfants sur 3 entre 11 et 18 ne se sentent pas en sécurité dans les lieux publics. Est-ce que vos enfants ont peur ? Les enfants, je pense que les enfants ont peur, effectivement. Peut-être parce que aussi on leur a dit de se méfier, de faire très attention. Dany, parenthèse, pouvez-vous couper le haut-parleur du téléphone ou enlever le kit main libre et revenir près du cornet ? C'est vraiment plus facile et confortable pour tout le monde. Vos enfants ont peur dans des endroits précis de Bastogne ? Dans des endroits précis, non, pas dans des endroits précis, ils ont peur en général. Donc, à l'arrêt de bus, etc., le soir, quand il y a beaucoup d'élèves qui sont là-bas et qu'un adulte attend le bus un peu plus loin, eh bien, parfois, on voit que les enfants se méfient. Ou alors, le matin, quand ils partent ensemble... Mais le sondage dit une peur dans ce climat un peu terroriste. Le sondage ne dit pas une peur du méchant qui va venir vous enlever, ne dit pas une peur de celui qui va venir vous agresser. C'est une peur dans ce climat terroriste. Est-ce que vos enfants parlent de ça ? Non, ils ne parlent pas tellement de ça. Mais je pense qu'ici, on est relativement protégés à ce niveau-là, parce que, bon, évidemment, ce sont des villes beaucoup plus petites et les risques sont quand même moins importants, apparemment. Voilà. Comment vous expliquez que les 11-18 ont à ce point une peur, attentat, climat anxiogène ? Ça les tracasse, pourquoi ? Parce qu'évidemment, on en parle tout le temps, on en parle tous les jours. On voit des images atroces... En permanence, et forcément, les ados, ça les marque, voilà. On doit dire à des ados, tu as raison d'avoir peur, il faut se méfier, le monde a changé, on doit dire ça ? Je ne dis pas qu'on doit dire, qu'on ne doit quand même pas entretenir leur peur non plus, mais on peut quand même les sensibiliser à tout ce qui se passe. Pas leur dire, tu as raison, mais les sensibiliser, tout est dans la nuance. On verra si on peut aller plus loin dans cette conversation tout à l'heure. Je note le mot sensibiliser, mot-clé de notre conversation, Dany. Bièvre maintenant, Joël, bonjour. Oui, bonjour. C'est la phrase de Bernard Westphal à propos de l'amant. Hein. Si ce type nous avait fichu la paix, est-ce que la présence d'une maîtresse ou d'un amant dans un couple, ça peut rendre fou ? Vous avez vécu quoi, Joël ? Oh ben, la même chose. J'avais mon épouse qui avait un amant officiel, 2-3 autres amants, donc ne se limitait pas à un. Mais c'est vrai que ça fait largement péter les plombs. Moi, j'avais un boulot depuis 6 ans, à temps plein, tout. J'ai donné ma démission, bien que le patron ne voulait pas, il voulait que je prenne un congé sans solde. Non, j'ai démissionné, et j'en avais plus que ça en tête. Joël, vous l'avez découvert comment? Parce que dans le cas qui nous occupe, c'est une lettre. Un jour, Bernard Westphal découvre une lettre outrageusement parfumée et comprend qu'il y a une relation sexuelle, puisqu'elle est racontée dans la lettre. Vous avez découvert ça comment? Bon, ben disons que j'avais déjà un doute, mais je disais que j'allais travailler, je garais la voiture 200 mètres plus loin, je revenais à pied, et je voyais bien les allées et venues, tout simplement. Ça vous a rendu en colère, nerveux, en rage, ou c'était pas ça le sentiment? En rage, carrément en rage, je ne savais plus travailler, je ne savais plus rien faire, je pétais un plomb, tout ce qui m'intéressait c'était lui tirer une balle, je le dis franchement. Je ne suis jamais arrivé là, encore une chance. Je me suis fait soigner avant parce que ça allait mal tourner. J'ai demandé le divorce et puis j'étais me faire soigner. Et lui, cet homme, il venait parasiter votre couple? Il venait à vous, il téléphonait, il écrivait, il vous parlait? Est-ce qu'il venait à vous? Oui, il venait même sonner à la porte. Quand je lui demandais qui c'était, il me disait « Oh, c'est quelqu'un qui s'est trompé, mais qui se trompe 3 fois par jour, ça fait beaucoup. » Il venait sonner, donc l'intrusion était réelle? Oui. Vous pensez qu'il savait ce que ça générait en vous, cette rage? Il le savait? Oui, parce que je l'ai eu plusieurs fois en face de moi, parce que je ne me gênais pas pour aller le trouver, je sais où il se trouvait. Donc il n'y avait aucun problème. Et ça le dérangeait de susciter en vous de la rage? Il s'en foutait? Ça le dérangeait? Il était mal à l'aise? Non, il attendait que je bouge, mais j'étais plus mal à l'aise, ça provoquait, mais je n'ai pas bougé. Joël, à quel moment vous êtes sorti de la rage? Le jour que j'ai demandé le divorce. Et ça a pris combien de temps? Oh, disons, ça a pris 6 mois pour demander le divorce. Mais disons, la rage complètement n'est jamais sortie. Ça fait 18 ans et quelques jours, j'ai toujours la rage. Joël, vous êtes à Bièvre ce matin. Comment un amant ou une maîtresse peut rendre fou dans un couple? On verra si on va plus loin dans cette conversation tout à l'heure. Dans l'immédiat, on marque une pause pour aller à Tubize. Dominique nous attend là-bas et nous dira ce qu'on fait quand on a des dealers en bas de chez soi dans une rue de Tubize. Vous disposez d'actions depuis longtemps et avez besoin de conseils pour vos investissements? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider-d'investir. Mais enfin chérie, qu'est-ce que tu viens de dire, hein? Je viens de dire que là, les poissons clowns, ça va une heure, mais une semaine, là je peux plus, j'en ai plein les palmes, j'ai rate tout bas. Alors toi tu restes si tu veux, mais moi je vais chez Ford. Mais chérie! Non, je vais chez Ford! Eh oui, résistez à l'appel du tout nouveau et très charismatique Ford Edge, le plus grand SUV de la gamme. Aux Performance Days du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. Vivacité présente, en partenariat avec les AP Assurances, l'échappée belge. Sur les petites routes de Provence et à travers les plus beaux coins du Luberon, d'Apt à Forcalquier, en passant par Manosque, Cavaillon, Roussillon et une arrivée le 27 septembre au Théâtre des Dons en Avignon. L'échappée belge, avec la complicité des voyages SNCF.com, à suivre tous les jours de la semaine à 14h et le samedi à 16h. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. On n'est pas des pigeons, vous non plus, on va s'entendre. Dès 11h, sur Vivacité. Vivacité présente Éric Antoine, Magic Delirium. Magie. Le show magicomique d'Éric Antoine. Un mélange d'humour, de magie, de musique et de grande illusion. On va s'éclater! Au Cirque Royal de Bruxelles le dimanche 6 novembre à 17h. Infos et réservations, ticketmaster.be 02 218 2015. Infos et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Et au 070-233-466 sur la table, 2 enfants sur 3, Marion entre 11 et 18 ans, ne se sentent pas en sécurité dans les lieux publics. Vos enfants ont-ils peur? L'avez-vous déjà constaté à ce propos? Et à ce propos, Muriel de Esneux l'a déjà constaté. Elle a vu le comportement de son fils de 8 ans changer depuis quelques mois. Il ne veut tout simplement plus écouter les informations en voiture, il ne veut plus rien savoir. Et la peur de son fils va au-delà des lieux publics, elle va même dans leur domicile privé. Son fils a peur quand il doit aller dormir le soir. C'est devenu une phobie car il n'y a que des mauvaises nouvelles aux informations. C'est pour cette raison qu'il ne veut plus les entendre. le dites, c'est vous qui le dites à Tubize. Dominique, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Des Carolov ont porté plainte contre leur ville pour insécurité à cause des dealers sous leurs fenêtres. Quand on a des dealers en bas de chez soi, on fait quoi? Où sont vos dealers? Ben écoutez, nous les dealers, c'est carrément devant la porte. Bon, c'est pas une voiture, c'est pas deux voitures, c'est pas trois voitures, c'est vraiment beaucoup de voitures. Voilà, j'ai été signalée en fait le souci. Donc, enfin, tout d'abord pour dire, je suis tout à fait d'accord avec les Carolov. Qui vont porter plainte sur leur commune, parce que c'est ce que je compte faire aussi, mais malheureusement, je ne sais pas où je dois aller m'adresser. Dominique, j'essaie d'abord de comprendre. Quand vous me dites que ces dealers sont devant la porte de chez vous, c'est une image ou ils sont vraiment à un mètre de la sortie? Ah non, ils sont vraiment à un mètre devant la porte. Ils sont, c'est pas difficile, ils sont 3-4 dans la voiture. Et ils viennent là à quelle heure? Ah ben écoutez, ici c'est toute la journée, mais bon la journée ils vont se planquer dans une maison qui en fait qui se trouve à Tubize. Déjà, bon, c'est même la source d'un policier qui me l'a dit, que ça faisait 30 ans qu'ils avaient des problèmes avec cette maison. Mais ils voient que ça vous gêne? Ah oui, ils voient que ça les gêne, mais eux ça les gêne pas du tout, puisqu'on les laisse faire sans impunité, ils vendent dans la rue, ils accostent même mon fils pour acheter de la drogue. Moi, j'ai toujours peur pour lui, parce que s'il refuse qu'il se fasse agresser... Je vous dis ce qu'ont dit les Carolov, donc ce groupe de riverains de la ville haute à Charleroi, dit « Les dealers continuent à aller et venir, ils sont redevenus maîtres du terrain. Est-ce qu'à Tubize, ils sont maîtres du terrain ?» Ah oui, tout à fait. Oui, hein, oui mais on n'est plus... On est... Oui, bien sûr, tout à fait. On aurait peur de sortir de chez soi, ça vous regarde un air. Non, ils se montrent vraiment comme si c'était les rois de la rue, si on parle de la gare. Même les policiers passent, ils voient qu'ils sont occupés, parce que c'est pas difficile de reconnaître des dealers qui vendent. On voit qu'ils font les échanges. Enfin voilà, c'est vraiment gros comme une maison. Mais vous vivez comme étant dans une situation de non-assistance à personne en danger. C'est ça les termes à Charleroi? Non-assistance à personne en danger? Ah oui, tout à fait, parce que justement, quand on sort d'ici, on se sent vraiment épié, on dit on va se faire attaquer à n'importe quel moment. Je vous dis, mon fils, un exemple, il a une casquette Lacoste, quand il passe, on dit, regarde celui-là, il a une casquette Lacoste, et c'est tous les petits dealers qui sont là, ils sont en bande, parce qu'on dit toujours qu'on ne peut pas être, vous savez qu'on ne pouvait plus être en bande comme ça dans les rues. Vous leur avez dit partez ou vous ne leur avez pas dit partez? Non, je n'aurais pas dû partir parce que malheureusement, comme moi je viens d'acheter ma maison à Tubize, le souci ici c'est que bon, quand il y a même souvent des bagarres, ben ici bon, il y a des Nord-Africains et bon, avec les dealers et tout, il y a déjà eu des grosses bagarres ici, ils ont tout démoli, mais vraiment tout démoli. Vous remarquerez au passage que dealer, c'est pas une question de nationalité, hein, c'est une question de statut, individu qui vend de la drogue. Je retiens qu'à la question, on fait quoi? Vous me répondez, ben rien, je viens d'acheter la maison, je suis un peu calé là-bas, à Tubize. Namur maintenant. Namur. Eddy, bonjour. Bonjour Benjamin. Bernard Westphal à propos de l'amant. Si ce type nous avait fichu la paix, Véronique serait toujours de ce monde. La présence d'une maîtresse ou d'un amant dans un couple, est-ce que ça peut rendre fou? L'avez-vous vécu, Eddy? Je l'ai vécu et je peux vous dire, Benjamin, que oui, ça rend fou. Ça rend très très fou. Est-ce que ce type vous fichait la paix, pour reprendre les mots utilisés hier? Non. Non? Non, moi je suis tombé sur des messages, sur des messages Facebook et c'est vrai qu'il n'arrêtait plus et qu'à un moment, ben, c'était tout le temps un manque de confiance entre elle et moi et ça arrivait aux mains, quoi, aux bagarres. Mais il n'arrêtait pas de lui envoyer des messages ou il n'arrêtait pas de vous envoyer des messages? Non, de lui envoyer des messages à elle. Et elle, ça lui convenait ou elle se sentait harcelée? Non, ça lui convenait, Benjamin. Est-ce que vous avez eu un contact avec cet homme? Oui, plusieurs fois, quand j'allais récupérer mon fils, puisque quand on s'est séparés, j'avais un petit garçon à l'époque, il avait 8 mois. Donc quand j'allais le récupérer, je croisais ce garçon-là qui vivait... quand moi je suis parti, lui il vivait là-bas, quoi. Mais vous aviez encore après de la haine pour lui ou finalement c'est le jeu de la vie et de l'amour, on est amoureux de l'un un jour, d'un autre le lendemain? Vous aviez quoi comme sentiment pour cet homme? Je n'ai pas eu de haine envers lui, j'ai de la haine envers elle. Parce que c'est pas l'amant qui est entièrement responsable, c'est aussi votre compagne ou votre compagnon. C'est d'abord elle, la première personne responsable. Vous voyez bien la portée des mots. Ça vous a rendu fou cette histoire d'amant ou pas? Oui. Fou comment? Au point d'en avoir des problèmes de justice avec elle, puisqu'on en a été jusqu'aux mains, et je me suis découvert quelqu'un que je ne croyais pas, quoi. Je pensais pas pouvoir en arriver à des choses comme ça, quoi. Fou jusqu'à en être violent. Oui, exactement. Ça répond à la question de ce matin. La présence d'un amant dans un couple, est-ce que ça peut rendre fou, mais jusqu'où? Quelle est la conversation que nous mènerons? Rendez-vous après les infos. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. C'est possible. Pour réécouter les meilleurs moments de l'émission, rendez-vous sur vivacité.be. Viva Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Shopping. Finir la semaine par un happy weekend, c'est encore un cadeau du Walu et Shopping. Place au prix d'amis, aux surprises et aux cadeaux. Le plaisir shopping à l'état pur, c'est au Happy Weekend du Walu et Shopping. C'est 24 et 25 septembre, dimanche compris. Shopping. Walu et Shopping. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez ce 25 septembre, la dernière étape de la saison, celle de Bruxelles sans voiture, comme si vous y aviez participé. Avec les initiations sportives de l'ADEPS, et puis des milliers de beaux héros, escortés par Joël Skoritz et les Magic Systems, dans la capitale la plus verte d'Europe. Ce dimanche après-midi, sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Ce samedi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Eh ben moi, tant que le jackpot loto n'est pas gagné, je vous raconte des blagues idiotes. Alors attention, que font deux scampis à la montagne? Deux scampings. Deux scampings. Jouez donc au loto ce mercredi. Il y a près de 3 millions d'euros à gagner. Ah oui, alors là, j'arrête mes blagues, promis. Merci loto. Vous êtes sur Viva, il est 10h. Le Flash, Lionel Denebourg, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bonne nouvelle à Saint-Hubert, la jeune Chloé Antoine, 13 ans, est saine et sauve. L'adolescente avait disparu hier après-midi après avoir quitté son école. Tous les moyens avaient été mobilisés pour la retrouver, hélicoptère, chien, pisteur. Finalement, la jeune fille a regagné par ses propres moyens le domicile familial ce matin à 8h. Le procès de Bernard Westphal se poursuit et a repris ce matin à la cour d'assises du Hainaut. Deuxième jour du procès pour l'ancien député wallon, accusé du meurtre de son épouse Véronique Pirotton. Aujourd'hui, les enquêteurs viendront s'expliquer sur leur méthode de travail. Cela fait 40 ans aujourd'hui qu'il transporte des milliers de passagers, le métro bruxellois. La première rame est entrée en station le 20 septembre 1976. Il y avait une seule ligne et 16 stations à l'époque. 40 ans plus tard, le métro bruxellois, c'est 40 km de tronçons dans les entrailles de la capitale et quelques 69 stations. 10 000 personnes attendues cet après-midi à Bruxelles. Grosse mobilisation pour dénoncer le TTIP, cet accord de libre-échange économique qui est en train d'être négocié entre l'Europe et les États-Unis. On entend pas mal de perturbations cet après-midi puisque la rue de la Loi sera fermée à partir de 16h. Les 16e de finale de la Coupe de Belgique de football commencent ce soir. Deux matchs aujourd'hui. Le club de Bruges contre Lommel et Dessel-Moucron. La plupart des autres rencontres sont programmées demain. Ce soir, par contre, encore du football, mais féminin. À 19h, ce sera à Louvain. Notre équipe nationale, les Red Flames, tenteront de battre l'Angleterre. C'est le dernier match de la campagne qualificative pour l'Euro 2017. La Belgique est déjà qualifiée, mais elle vise la première place de son groupe. La météo, pas mal d'averses au littoral. Ailleurs, le temps restera sec. Sur le centre et le sud du pays, pas mal de belles périodes ensoleillées également. Les températures seront comprises entre 14 et 21 degrés. Le point RTBF Mobile Info, c'est avec Stéphane Piedbeuf. Et bonne nouvelle pour les automobilistes qui nous écoutent. La circulation se fluidifie un petit peu partout. Léger ralentissement où on perd moins de 10 minutes sur le ring en circulation extérieure entre Strombeek et Wemmel en direction de Grand Bigard. Et pour ce qui est de la circulation intérieure, vous allez être légèrement ralenti entre Grand Bigard et Grimbergen en direction de Zaventem. Moins de 10 minutes également pour rejoindre Bruxelles sur le 411 en venant de Namur. Ceci dit, vous allez légèrement ralentir entre Overijse et le Carrefour Léonard. Même schéma, même scénario sur le 40 qui vient de Liège. Vous ralentissez entre Everberg et Woluwe-Saint-Etienne. Et puis toujours quelques embarras de circulation dans quelques tunnels bruxellois. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Merci Stéphane, c'est vous qui le dites, et Benjamin Maréchal. Merci Lionel de Neubourg, ça fait 6 syllabes, 5 ou 6 syllabes, j'ai pas eu le temps de calculer. La rédac revient dans une heure. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. Les assistants sociaux des CPS devront trahir le secret professionnel pour dénoncer les radicalisés. Briser le secret professionnel, les assistants sociaux sont-ils encore dignes de confiance? C'est la question qui dérange de ce matin. Vous noterez dans la dernière heure du jour que Willy Borsu, qui est le ministre de l'Intégration sociale, affirme que son projet de modification de loi est prêt, qu'il sera mis en place d'ici à la fin de l'année. On nous dit que les travailleurs sociaux des CPS étaient jusqu'ici mal à l'aise. Ils auraient bien voulu parler, mais avaient toujours peur de trahir le secret professionnel, peur des sanctions. Eh bien, avec ce nouveau texte, ils vont pouvoir dire, ils vont devoir dire. Et quand on demande à Willy Borsu si ça brise la confiance envers les travailleurs sociaux, il dit non, non, non. De toute façon, la priorité, c'est de garantir la sécurité des citoyens. Est-ce que les assistants sociaux des CPS sont encore dignes de confiance? Dans ce dossier, Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur. Avez-vous une piste? Oui, j'ai deux pistes pour aller demander plus de précisions sur ce projet de modification de la loi auprès du ministre de l'Intégration sociale, Willy Borsu. On pourra aussi aller faire un coup de sonde auprès de la Fédération des CPS. Vous avez dans ce dossier un éclairage, laissez-le à Marion Standard. Et le problème pour Tania de Fontaine-l'Évêque, c'est que le gouvernement est en train d'installer une société de la délation. Le gouvernement demande de plus en plus aux citoyens, aux commerçants et maintenant aux professionnels de la santé de dénoncer les personnes radicalisées. Mais comment le gouvernement veut-il que ses citoyens reconnaissent ces personnes alors qu'il n'arrive pas à le faire lui-même? C'est la question de Tania de Fontaine-l'Évêque. Les assistants sociaux des CPS devront trahir le secret professionnel et dénoncer les radicalisés, briser le secret professionnel. Est-ce que les assistants sociaux sont encore dignes de confiance? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. Des Carolos vont porter plainte contre leur ville pour insécurité à cause des dealers sous leurs fenêtres. Quand on a des dealers en bas de chez soi, on fait quoi? Bernard Westphal à propos de l'amant. Si ce type nous avait fichu la paix, Véronique serait toujours de ce monde. La présence d'un amant dans un couple, est-ce que ça peut rendre fou? Et puis 2 enfants sur 3 entre 11 et 18 ans ne se sentent pas en sécurité dans les lieux publics. Sondage auprès des francophones. Eh bien, vos enfants ont-ils peur? L'avez-vous déjà constaté? 3 débats, Marion, 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur la présence d'un amant ou d'une maîtresse dans un couple avec cette déclaration de Bernard Westphal hier durant le procès. Si ce type nous avait fichu la paix, Véronique serait toujours de ce monde. La présence d'un amant dans un couple, est-ce que ça peut rendre fou? C'est la question que l'on vous pose ce matin. C'est donc tout un processus que Bernard Westphal a livré hier en présentant sa vérité au jury de la cour d'assises, en présentant le rôle néfaste qu'un amant pouvait avoir dans un couple. 5 mois après son mariage, Bernard Westphal découvre donc une lettre qu'il dit outrageusement parfumée, qu'un amant adresse à Véronique Pirotton. La lettre est écrite par l'ancien compagnon de Véronique Pirotton et elle évoque de manière salace un rapport sexuel qui a lieu 2 semaines plus tôt. L'amant harcelait. Alors le couple Westphal-Pirotton décide d'aller porter plainte à la police. Mais Véronique Pirotton ira ensuite toute seule retirer cette plainte. Le dernier jour, dans la fameuse chambre d'hôtel de l'hôtel Mondo, l'amant est là aussi puisqu'il appelle au téléphone. « C'est ton grand méchant loup », dit-il. Bernard Westphal entend cette phrase. Il dit hier au tribunal avoir ignoré jusqu'au bout qu'il s'appelait tous les jours, qu'il se voyait tous les 2 jours. Et c'est donc là qu'il a eu cette phrase « Si ce type nous avait fichu la paix ». Vous avez donc choisi une conversation sur le rôle des amants et des maîtresses et sur la manière dont ils déstabilisent les couples. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. J'avais mon épouse qui avait un amant officiel et 2-3 autres amants, donc je ne se limitais pas à un. Mais c'est vrai que ça fait largement péter le plomb. Moi, j'avais un boulot depuis 6 ans, à temps plein, tout. Je lui ai donné ma démission, bien que le patron ne voulait pas, il voulait que je prenne un coucher sur le sol. Non, j'ai démissionné, j'en avais plus que ça en tête. Vous avez découvert ça comment? Bon, ben, disons que j'avais déjà un doute, mais je disais que j'allais travailler, je garais la voiture 200 mètres plus loin, je revenais à pied, et je voyais bien les allées et venues, tout simplement. Ça vous a rendu en colère, nerveux, en rage, ou c'était pas ça le sentiment? En rage, carrément en rage. Je ne savais plus travailler, je ne savais plus rien faire, je pétais un plomb. Tout ce qui m'intéressait, c'était de lui tirer une balle, je le dis franchement. Alors, puisque vous avez choisi cette conversation, la présence d'un amant ou d'une maîtresse dans un couple, est-ce que ça rend fou le rôle de ce troisième individu, le rôle qu'il exerce sur le compagnon, sur vous, la manière dont il interagit avec vous. 070-233-466 par SMS au 3063. Dans la foulée de cette phrase de Bernard Westphal, si ce type nous avait fichu la paix. Dans un instant à Enghien, c'est Marie-Christine qui viendra nous dire si la présence, d'une relation dans la vie de son mari l'a rendue folle. C'est vous qui le dites. Dis, tu cherches toujours un logement durable dans le coin ? Ouais, et abordable surtout. Mais tu connais les quartiers Matexi ? Non. Eh bien, surfe un peu sur matexi.be, tiens. Ah, oui. Voilà, tape le code postal. Voilà. Et tu as tous leurs quartiers à proximité. Ah ouais, c'est pas mal. Ben oui, Matexi, c'est chaque fois des maisons et appartements durables dans des quartiers agréables de Wallonie et de Bruxelles qui t'offrent plus pour ton budget. Wow. Et ils ont 70 ans d'expérience et ça se sent tout de suite. Mais pourquoi tu me montres tout ça ? Ben, ça me ferait plaisir de t'avoir comme voisin. Matexi, bienvenue chez vous. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin espagnol Faustino Reserva 2010 ou 2011 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune ? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat ! Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Mais que s'est-il passé aujourd'hui ? Tout ça c'est wallon, tout ça c'est bon, ici, et tout ça c'est pour vous. Là-bas, sur les réseaux. On va revenir sur cette vidéo qui tourne énormément. On en rit ou on en pleure ? On entend à la fois Facebook, Instagram. Ouh. On en pleure de rire. Un footballeur, ça s'immole encore plus qu'une femme. À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu et parler de votre actu. Moi, forcément, je le sais puisque j'ai cherché la réponse. Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. En télé sur la Une. Je crois que nous devons envisager de vous retirer la direction de cette enquête. Est-ce que vous me connaissez ? Chaque tatouage est une clé. On m'a tatoué un couteau de boucher. Chaque clé conduit à un crime. Faites-la disparaître. Blindspot, 4 épisodes, ce jeudi. Sur la Une. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois ? De 23h à minuit, on croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey ? Vivacité vous accompagne 24 heures sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit ? Construction Perfection Habitat. Week-end portes ouvertes, c'est 24 et 25 septembre. Découvrez une nouvelle maison Perfection Habitat, rue Joseph Wauters, à Crisney. Construction Perfection Habitat. Une exclusivité, Étienne Piron. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. Vous avez choisi une conversation sur la présence d'un amant ou d'une maîtresse dans un couple. Comment ça peut rendre fou ? On a découvert hier avec le procès Westphal ce processus. D'abord la découverte, quand Bernard Westphal dit avoir trouvé une lettre outrageusement parfumée. Il découvre dans cette lettre écrite que sa femme a eu 2 semaines avant une relation sexuelle avec l'amant. Il y a donc le moment de la découverte. Ensuite, il y a les contacts incessants. Quand dans la chambre d'hôtel, il y a encore un coup de fil, c'est le moment où l'amant utilisera ces mots. C'est ton grand méchant loup. Il parle à Véronique Pirotton, mais Bernard Westphal l'entend. Et cette présence récurrente, si ce type nous avait fichu la paix, on n'en serait pas là. Voilà ce qu'a dit Bernard Westphal hier au tribunal. Comment ça peut rendre fou ? 070-233-466 par SMS au 3063. Allons d'abord à Enghien. Marie-Christine, bonjour. Bonjour. On essaie de reprendre les étapes. Le moment de la découverte, comment vous découvrez que votre mari a une maîtresse ? Marie-Christine, coupez la télévision et la radio qui est derrière vous. C'est pour ça que vous avez un décalage. Et contentez-vous uniquement du téléphone. Essayons au maximum ce matin d'avoir une conversation qui est lisible et audible par tout le monde. Je n'ai pas... Voilà. Le moment de la découverte, Marie-Christine, comment découvrez-vous que votre mari a une maîtresse ? Donc, le moment... les parties au travail de lui de plus en plus tôt. Marie-Christine, on a visiblement un problème de son avec vous ce matin. On va essayer de régler ça et peut-être vous retrouver dans quelques instants à Enghien. Visiblement, ce n'est pas la matinée du téléphone et de la qualité sonore. 070-233-466 et par SMS au 3063 si vous souhaitez entrer dans cette conversation sur le rôle du troisième individu, le rôle du troisième individu, la manière dont il se présente à vous, la manière dont il vient à vous, et puis les contacts plus ou moins incessants, ce sera à vous de les raconter en livrant les détails que vous souhaitez livrer, en ne livrant pas ce que vous ne souhaitez pas raconter. Nieuport maintenant en ligne. Noël, bonjour. Ouais, bonjour Benjamin. Vous savez ce que c'est la présence d'un troisième individu dans un couple ? Maintenant, je m'en suis rendu compte, oui. Vous nous expliquez ? Ma femme est partie le 7 août du domicile. Allô ? Je vous écoute. Ma femme est partie du 7 août de domicile. Logiquement, on s'est séparés en tout bien, tout honneur. Et en fait, chaque jour qui sont passés, j'ai découvert qu'en fait, elle était partie avec quelqu'un. Mais ce quelqu'un, il était dans votre vie depuis combien de temps ? Je suppose minimum depuis le mois de juin. Et jamais, jamais vous ne vous êtes rendu compte qu'il y avait un troisième dans le couple ? Non, ça s'est passé encore une fois avec, comme plusieurs personnes avec Facebook. Noël ? Elle passait ses journées sur son téléphone du matin au soir, Facebook. Et moi, je pensais qu'elle parlait avec des copines ou des trucs comme ça. Je m'en suis pas rendu compte. Mais donc, vous ne la sentez pas sous influence entre juin et août, le moment de la séparation. Vous ne la sentez pas sous l'emprise, sous l'influence de quelqu'un. Non, parce que fin juillet, on est encore parti ensemble en vacances dans les Ardennes avec les enfants. Et c'est en rentrant des Ardennes, on est rentré le 5 août. Et le 7, elle a dit je vais visiter un appartement. Et en fait, elle est plus rentrée le week-end. Elle a dit je m'en vais. C'est quoi le processus ? C'est un autre homme qui arrive dans la vie, qui a gagné la partie, qui a gagné la bataille. Comment cet homme est-il parvenu à emporter votre épouse ? Je pense qu'elle doit avoir un problème dans la tête, ou je ne sais pas, parce qu'en plus on a 4 enfants, et elle a tout abandonné pour ce type. Ça rend fou ? Ça peut rendre fou la présence d'un troisième individu ? C'est pas que ça peut rendre fou, ça rend fou. Je suis complètement fou, là, en fait. Fou comment ? Fou comment ? Fou, quand lui, il va passer entre mes deux mains, il est mort, c'est tout. Vous êtes fou de violence ? De violence, mais pour l'instant, je peux rien faire, vu que j'ai mes 4 enfants en charge, vu qu'elle les a abandonnés à moi et tout. Donc pour l'instant, je ne fais rien, mais ça se passera pas comme ça. Vous avez conscience des limites légales ? Vous savez jusqu'où on peut ne pas aller dans la loi belge ? C'est justement ça le problème. Mais justement, avec un truc comme ça, parce que ses enfants lui ont posé la question, elle est venue dimanche matin à la maison pour amener la télé de notre fils qu'elle avait pris avec. Et les 4 enfants, ils étaient là, je leur ai demandé, maintenant, je pense que les enfants ont le droit de savoir la vérité. Puis moi, tu me l'as avoué au téléphone, parce que j'ai dû la pousser dans ses retranchements et l'énerver pour qu'elle me sorte. Enfin, elle m'a toujours dit, non, je suis pas avec ce type, c'est juste un copain. Et je l'ai tellement poussé qu'elle a fini par m'avouer, oui, je suis avec. Noël, votre violence actuelle, le sentiment que vous avez en vous, il s'exprime comment ? Alors, puisque vous n'avez pas vu cet individu, vous n'agissez pas sur cet individu, et à raison, parce que c'est interdit. Donc, comment s'exprime votre violence en ce moment ? En ce moment, ça fait une semaine que je ne mange plus, et j'ai déjà perdu 7 kilos. Noël, vous êtes à Nieuport et sur un long processus, dernière chose, avec votre épouse, vous êtes resté combien de temps ensemble ? 20 ans de relation, et cette date du 7 août. Merci d'avoir livré ce moment précis. Allons maintenant à Libin. Christian, bonjour. Christian est à Libin, 070-233-466 et par SMS au 3063. On va tenter de le récupérer dans un instant, à moins que... Christian, bonjour. Christian, on vous retrouvera dans quelques instants. Mélanie Joris, je viens vers vous pour un éclairage. Et on revient au procès de Bernard Westphal, qui a donc eu cette phrase hier. « Si ce type nous avait fichu la paix, Véronique serait toujours de ce monde. » Et au cœur des débats, évidemment, l'amant de Véronique Pirotton. Oui, et avant d'être son amant, c'était son compagnon. Le couple s'est séparé parce que Véronique Pirotton voulait un deuxième enfant. Elle voulait également se marier et l'homme ne pouvait lui offrir ce qu'elle voulait. Ils ont donc décidé de se séparer. Cette séparation, elle date de février 2012. Mais malgré cette séparation, les liens entre les deux personnes sont restés très forts. Véronique Pirotton épouse finalement Bernard Westphal en août 2012, mais elle continue à avoir des contacts contact avec son ancien compagnon, qui est désormais son amant, le 22 octobre 2012. Bernard Westphal découvre cette fameuse lettre dans laquelle son amant décrit une relation sexuelle qu'il a eue avec elle, et le couple était alors marié seulement depuis 2 mois. Et puis il y a cette fameuse conversation téléphonique entre Véronique Pirotton et l'amant, donc. Oui, l'amant, c'est lui qui a enregistré cette conversation à la veille du décès de Véronique Pirotton. Selon l'homme, eh bien, cette conversation téléphonique, elle contredit complètement la thèse du suicide. Pour lui, Véronique Pirotton voyait enfin une éclaircie dans sa vie et n'aurait jamais mis fin à ses jours à ce moment-là. L'homme, eh bien, il viendra témoigner au tribunal la semaine prochaine. Il est psychologue de formation et il est décrit par la défense comme un homme à femme qui ne supportait pas que Véronique Pirotton appartienne à quelqu'un d'autre. Il avait aussi fait l'objet d'une détention préventive pendant un certain temps. Il avait dissimulé du matériel informatique dans ce dossier. Ça, ce sont les faits du tribunal. Voyons maintenant chez vous le processus, si vous souhaitez en parler. À recours notamment. Franck, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous et votre compagne, combien d'années de relation ? 26 ans exactement. Et au bout de combien de temps arrive un troisième individu dans cette relation ? L'amant, donc ? Je dirais la dernière année. Vous le découvrez comment ? Ben disons, c'est au quotidien, quand quelqu'un passe son temps sur un ordinateur, donc comme l'auditeur précédent, Facebook, etc. Disons que vous avez des habitudes, et à ce moment-là, vous découvrez que les habitudes changent. Ce sont des conversations relativement tardives, ce sont des SMS limite des fois 23h, minuit, voilà. Et vous le sentez, ça, vous le sentez. Mais pourquoi le troisième individu, il ne se retient pas, il ne se freine pas ? Parce que des SMS à 23h et des messages incessants, c'est très visible. Pourquoi le troisième individu, il ne se freine pas ? Parce que c'est l'amour et que des fois, vous faites des erreurs. Vous êtes prudent, mais des fois, vous faites des erreurs dans vos démarches amoureuses, quoi. Et le pire dans mon cas, je veux dire, dans mon cas personnel, le pire, c'est que c'était un ami de la famille, un gars que je voyais régulièrement, qui est déjà venu souper à la maison et qui est toujours entraîneur de foot de mon gamin. Est-ce que vous tombez sur du matériau, sur des messages ? Parce que dans le dossier Westphal, on comprend bien qu'il tombe sur cette lettre outrageusement parfumée, dans laquelle on écrit noir sur blanc une relation sexuelle qui est racontée de manière très salace. Est-ce que vous êtes tombé sur des messages ? Bien sûr, comme ça arrive, ça doit arriver régulièrement, bien sûr. Et donc, je vous dis, c'est même arrivé, je suis allé en promenade, en stand avec les enfants, et je tombe sur un... Donc, elle envoie un SMS à son amant, et le pire, c'est qu'elle se trompe, elle m'envoie un SMS avec, donc, j'ai lu tout le contenu, voilà, des détails comme ça. Et là, dans l'autre, vous comprenez qu'on est trois. C'est la question de ce matin. Ça peut rendre fou ? Ça vous a rendu fou ? Ben, totalement. Quand vous avez bâti quelque chose sur 26 ans, vous avez un confort matériel, vous êtes bien tranquille, et puis que vous découvrez ça, même que je l'avais déjà prévenu, le garçon, je l'avais prévenu 2 ou 3 fois, je lui avais dit, si tu tournes autour de ma femme, on va avoir des problèmes, etc. Et comme je l'ai mis dans le SMS, le jour, donc, je vais prendre donc mon cas, nous sommes partis en vacances, et 2 jours après, elle partait. Donc c'était un mercredi, elle part un mercredi. Le jour où vous découvrez ça, je savais exactement où le gars était. J'avais une arme sur lui, j'étais prêt à le tuer. Alors et cette violence, cette envie de liquidation totale, vous me passerez l'expression, elle se manifeste encore ou elle a disparu de vous ? Vis-à-vis de des deux, non, la haine est toujours là. La haine, parce qu'aujourd'hui, ça se répercute que je ne vois toujours mes enfants que deux week-ends par mois, alors que j'aurais aimé partager leur vie. Voilà, donc j'ai quand même un manque, malgré que la haine diminue, mais j'ai toujours un manque parce que mes enfants ne sont plus là au quotidien. Mais elle est toujours là. Vous remarquerez ce point commun avec l'histoire de Noël à Newport, qui était encore dans ce moment très haineux et très intense. La haine est toujours là. On comprend les raisons. C'est lié aux enfants, Franck. On va marquer une pause et dans un instant, c'est une femme, Martine à Namur, qui viendra nous raconter comment son ex-compagnon avait une maîtresse pendant plusieurs moments et plusieurs temps. Ce week-end, Vivacité vous invite à la première de l'événement musical de la rentrée parisienne, Les Trois Mousquetaires, le spectacle musical. avec Olivier Dion, Damien Sargue et David Bann. Les Trois Mousquetaires, retrouvez-les déjà ce soir dès 19h sur Vivacité. Et samedi dès 10h30 dans le Tip Top, Vivacité vous offre vos places pour assister à la première du spectacle le 29 septembre au Palais des Congrès à Paris. Bonjour, c'est Philippe Jauniaux. Ce samedi 24 septembre, c'est la journée du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vivacité s'y associe. Nous serons en direct d'Andenne entre 14 et 16 heures pour une émission spéciale consacrée au trophée commune sportive. Avec David Bertrand, nous recevrons également nos sportifs de haut niveau. La fête du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est ce samedi à partir de 14 heures sur Vivacité. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. C'est possible. Pour réécouter les meilleurs moments de l'émission, rendez-vous sur vivacité.be. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Vivacité recherche des Tintin reporters. Si vous êtes étudiant ou jeune diplômé en journalisme, postulez sur belgodyssée.be et vous gagnerez sans doute un stage rémunéré de 6 mois dans notre rédaction. A très bientôt pour de nouvelles aventures. On n'est pas des pigeons. Vous non plus ? On va s'entendre. Dès 11h, sur Vivacité. La semaine de la mobilité a lieu du 16 au 22 septembre avec pour thème « Partager la route, on s'y met tous ». Cette année, la Wallonie met le focus sur la combinaison de différents moyens de déplacement. À cette occasion, des familles mais aussi des communes, des écoles et des entreprises se lancent dans des défis mobilité. Pour suivre leurs expériences et découvrir l'actualité de la semaine de la mobilité, rendez-vous sur Vivacité. Partager la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Et au 070-233-466, en vous donnant l'envers du décor, vous êtes très nombreux à nous raconter ô combien l'amant, la maîtresse peut rendre fou, mais sans forcément vouloir le dire publiquement. Voyons alors ce qu'on vous raconte. Marion, comment ça rend fou, les réactions excessives? Oui, et bien plusieurs personnes m'ont expliqué qu'elles ont littéralement pété les plombs lorsqu'elles ont appris que leur mari ou leur femme avait un amant ou une maîtresse. C'est le cas notamment de Hélène, d'Herculine. Elle a commencé à envoyer des lettres de menaces anonymes à la maîtresse de son mari. Elle m'a expliqué qu'elle prenait un malin plaisir à les écrire. Au final, la maîtresse de son mari a fini par prendre peur et à le quitter, mais Hélène n'a pas voulu récupérer son mari. Gaëtan Danguien, lui, a avoué avoir écrasé le chien de son ex-femme volontairement avec sa voiture. Il l'a fait exprès, il m'a dit qu'il voulait la voir souffrir autant que lui avait souffert quand il a appris qu'elle le trompait depuis plusieurs mois. Et enfin, Alison de Vieuxville, elle a tenté de se suicider en avalant des cachets. Ses deux enfants étaient dans la maison, Alison se rend compte des risques qu'elle a pris. Aujourd'hui, elle est contente d'avoir survécu, mais sur le coup, Alison ne voulait plus vivre, son cœur était brisé. Grivenier en ligne, Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le troisième individu, vous êtes aujourd'hui l'amant d'une femme mariée. Une femme depuis 5 ans. Et quel genre d'amant êtes-vous en matière de communication et de parasitage du couple? C'est ça l'enjeu ce matin? Bon, en fait, compte, moi je ne lui sonne pas, c'est elle qui me sonne. Parce que, bon, ce matin encore, elle m'a envoyé des messages à 8h du matin. Et quand ça va pas chez elle, ben elle vient chez moi. Donc environ deux fois par semaine. Et pourquoi vous n'avez pas, vous, la communication inverse? Pourquoi vous lui envoyez pas de message? Pourquoi vous n'êtes pas intrusif? Parce qu'on découvre que certains amants sont parfois intrusifs et vont très très loin. Mais pourquoi l'embêter si maintenant son copain est là? Automatiquement, ben, il va péter une case et ça risque de dégénérer. Alors je ne le fais pas. Ça veut dire que vous respectez son couple? Ben oui. Ben oui, puisque en fait, compte, samedi, comme elle était chez moi, samedi, il est venu la chercher chez moi. Voilà. Mais il connaît votre existence? Oui, depuis 5 ans. Et si on lui posait la question, il dirait quoi, lui, ce matin? Ben, je n'en sais rien. Franchement, ça, je ne lui ai jamais posé la question. Mais à mon avis, je crois qu'il ne doit pas apprécier. Mais bon, il tape dessus, il gueule dessus. Donc, automatiquement, avant que ça ne dégénère de trop, ben, elle vient jusque chez moi, et voilà. Mais alors pourquoi ça reste au statut d'amant, de relation occasionnelle? On essaie de comprendre avec en pensée évidemment le procès Westphal, mais pourquoi un amant reste amant? Pourquoi un amant le couple ne se déclenche jamais. Je lui ai déjà posé la question, mais elle m'a dit comme ça qu'elle préférait quand même rester comme ça. Elle vous dit pourquoi? Monsieur Westphal, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur couple, mais... Dans votre cas, Bernard, elle vous dit pourquoi... Les fautes sont toujours à deux, hein. Bernard, elle vous dit dans votre cas pourquoi elle veut rester comme ça et continuer comme ça? Non, je ne lui pose pas la question. Je retiens cette phrase. Je voudrais lui poser la question, puisqu'en fait, moi ça m'arrange parce que je ne suis pas embêté, et elle, ça l'arrange parce que quand ça ne va pas chez elle, ben elle vient chez moi. Ça arrange tout le monde. Je respecte ce couple, son couple, avez-vous dit. Bernard, vous êtes dans le rôle du troisième individu. Namur est en ligne maintenant. Cédric, bonjour. Oui, bonjour. La question est franche, vous me la permettrez. Est-ce que votre femme a eu un amant? Oui, elle a eu un amant il y a 15 ans de ça, juste un an après mon mariage, et mon fils avait 6 mois. Ça a duré combien de temps? J'ai divorcé directement du jour au lendemain, donc dès que j'ai appris la nouvelle, je suis passé devant le notaire et j'ai pas voulu savoir depuis combien de temps ça faisait en fait. Est-ce que les mots ont leur importance? Est-ce que vous sentiez à l'époque que votre femme était sous l'emprise, sous l'influence d'un autre homme, comme si elle vous avait un peu échappé en quelque sorte? Non, je pense. Enfin, à l'époque, je travaillais dans l'Oreca, j'étais un homme très fidèle et basé respect. Maintenant, je n'ai pas senti qu'elle m'échappait. On sent quand on se fait tromper, on sent directement. Il y a des changements de rythme dans la vie et donc des choses qu'elle faisait pas avant qu'elle a fait à ce moment-là. Donc, on le sent directement. Ça vous a rendu fou? Ça m'a rendu fou dans un premier temps. Je pense qu'il aurait peut-être pas fallu que je tombe sur eux à ce moment-là, mais avec le temps, ça s'est estompé. Et comme j'avais un fils, mon fils était la priorité. Et je pense que même si ça m'avait rendu fou, je ne serais jamais... Mais ça veut dire quoi, rendu fou? Parce que rendu fou de l'un, c'est pas rendu fou de l'autre. Ça veut dire quoi, rendu fou? Vous étiez fou comment à l'époque? Mais rendu fou, on perd tous ses repères, forcément. Donc, surtout quand on a un enfant de 6 mois, en bas âge, etc. Donc... Mais voilà, donc soit on est quelqu'un qui a une force de caractère et on avance dans la vie, et voilà, donc il faut se battre pour avancer, et ça a toujours été le cas dans la vie. Donc, comprenez ma question. Ce troisième individu, l'amant, il a été respectueux de votre couple et respectueux de vous? Il a été respectueux, comme tout autant, il avait sa grande part de responsabilité, comme mon ex-femme à l'époque. J'ai pas compris le mot, il était respectueux ou irrespectueux? Non, il était irrespectueux comme mon ex-femme à l'époque, donc ils étaient tous les deux responsables, et il n'y en avait pas un plus que l'autre, donc moi j'ai préféré quitter, c'est la seule bonne solution à faire. Quand on est trompé, on quitte, on ne va pas tuer quelqu'un. Et la suite de son histoire, elle est restée avec ce troisième individu? Elle n'est pas restée avec ce troisième individu, ça a duré plus ou moins, je pense, 3 mois, et puis après, un an après, elle essaie de revenir, j'ai dit non, donc voilà. Cédric, aujourd'hui, vous pensez quoi du troisième individu? Je pense que le troisième individu, malheureusement, fait tout pour pour casser un couple. Maintenant, la femme fait autant sa part de responsabilité. C'est pour cela que, pour moi, qu'il y ait un meurtre ou pas, je trouve ça inacceptable. Et donc voilà, on quitte et on part. Même, regardez-moi, mon fils avait 6 mois. Je n'ai tué personne et j'aurais tué personne. Et donc voilà, simplement. Vous êtes à Namur ce matin et le troisième individu arrive un an après le mariage. Les dates sont importantes. 10h31, c'est l'heure de la proportion maintenant. Dans les appelants de ce matin, Marion, combien estime que si le mari trompe sa femme, c'est la faute de la femme et inversement, c'est-à-dire ? 60% pensent que quand une personne trompe l'autre dans un couple, eh bien, c'est la personne qui n'a pas trompé qui est responsable. Si la personne a voulu tromper et partir voir ailleurs, c'est simplement parce qu'elle est malheureuse dans ce couple. L'autre aurait dû s'en rendre compte et donc porte une part de responsabilité de ce mal-être. RTBF Mobile Info, Stéphane. Benjamin, la circulation est globalement fluide. Pour rejoindre Bruxelles, il y a quelques ralentissements sur le 400 qui vient de Namur entre Jésus-Zeik et Léonard. Sur le ring, on perd moins de 6 minutes en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem, où vous ralentissez légèrement entre Strombeek et Wemel en direction donc de Grand Bigard, ça c'est pour la circulation extérieure, et entre Grand Bigard et Jette vers Zaventem. Puis je vous rappelle ce soir, la manifestation, dès cet après-midi, les rues de la Loi et du départ de ce cortège à Bruxelles seront fermées, ainsi que les tunnels Reyers en direction du centre, ainsi que le tunnel Cinquantenaire seront fermés à 15h30, et donc ça pourrait rester fermé jusqu'à 23h, voilà prévenu si vous vous rendez dans la capitale tout à l'heure. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Les assistants sociaux des CPS devront trahir le secret professionnel et dénoncer les radicalisés. Est-ce que ces assistants sociaux des CPS sont encore dignes de confiance? On est toujours gagnant chez Intermarché. Et plus encore, c'est samedi 24 septembre. Pour la journée du client, nous vous offrons un livre de recettes et nous doublons les euros reversés sur votre carte de fidélité. Wow. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés. Horaires en magasin. RTBF présente Mix City. Bruxelles. 2017, c'est l'année de la diversité à Bruxelles. Alors venez vous mélanger à Hello Mix City. Grand concert d'ouverture avec 120 artistes, 20 pays, 10 langues, 2 scènes et c'est gratuit. Hello Mix City, Mont des Arts, vendredi 30 septembre à 18h. Avec la région Bruxelles-Capitale, BX1 et le soir. Vivacité présente, en partenariat avec les AP Assurances, l'échappée belge. Sur les petites routes de Provence et à travers les plus beaux coins du Luberon, d'Apt à Forcalquier, en passant par Manosque, Cavaillon, Roussillon et une arrivée le 27 septembre au Théâtre des Dons en Avignon. L'échappée belge, avec la complicité des voyages SNCF.com, à suivre tous les jours de la semaine à 14h et le samedi à 16h. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. À la maison, profitez plus et payez moins, grâce à l'Internet et à la télévision digitale d'Orange. À partir de 39 euros par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. En télé, sur la une. On peut savoir ce qui se passe, là? Votre femme est arrêtée pour meurtre. Je vous assure que je suis innocente, j'ai pas tué cet homme. Elle arrête pas de dire qu'elle est innocente. On m'a piégé, il n'y a pas d'autre possibilité, d'accord? Faut à tout prix prouver que c'est un coup monté. Comment se disculper quand tout nous accable? Innocente, votre nouvelle série inédite. Mardi soir sur la Une. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Willy Borsu, le ministre de l'Intégration sociale, affirme donc ce matin dans la dernière heure que son projet de modification de loi est prêt et sera mis en place d'ici la fin de l'année. Les assistants sociaux des CPS devront trahir le secret professionnel et dénoncer les radicalisés. Il paraît que jusqu'ici, ils n'osaient pas, ils avaient peur de sanctions. Eh bien là, la loi est aménagée. Ils devront trahir le secret professionnel. Est-ce que ces gens sont encore dignes de confiance? Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur dans ce dossier. Avez-vous un nom? Oui, et ce nom, c'est Luc Van Dormals. C'est le président de la Fédération des CPAS. Alors actuellement, l'article 458 du Code pénal prévoit le secret professionnel pour les médecins, les avocats et les assistants sociaux des CPAS. Avec ce projet de modification de la loi, eh bien, les assistants sociaux pourront briser le secret professionnel, mais uniquement dans le cas des dossiers terrorisme. C'est ce que précise Willy Borsu. Et c'est ce point que ne comprend pas Luc Van Dormals, président de la Fédération des CPAS, puisque la législation et cet article 458 permet déjà de briser le secret professionnel en cas de danger. Finalement, le président des CPS Wallon se pose aussi une question. Si les assistants sociaux pourront demain briser ce secret professionnel, pourquoi ne pas élargir cette possibilité également aux médecins, psychologues et avocats? Vous avez une expérience des assistants sociaux? Laissez par exemple un éclairage à Marion Standard. Et le problème pour Gauthier de Plancenoit, c'est que si on commence à supprimer le secret professionnel pour une profession, eh bien ça peut très vite dévier. On pourra bientôt demander aux médecins, par exemple, aussi de renoncer au secret professionnel. Et on pourra alors dire au revoir à toute forme de vie privée. Pour Gauthier de Plancenoit, ce genre de dérive est très, très, très dangereuse. Les assistants sociaux des CPS sont-ils encore dignes de confiance? Ils devront trahir le secret professionnel? Question qui dérange. Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur la présence d'un amant ou d'une maîtresse dans un couple. Est-ce que ça peut rendre fou dans la foulée de cette déclaration de Bernard Westphal à propos de l'amant? Si ce type nous avait fichu la paix, Véronique serait toujours de ce monde. 070-233-466 par SMS au 3063. Le moment de la découverte, tout le processus et la manière dont ça rend fou. Juprel nous appelle. Mireille, bonjour. Oui, bonjour. Votre mari vient de partir, c'était au mois d'avril dernier. Il avait une maîtresse. Je soupçonnais qu'il fréquentait quelqu'un depuis 3 ans. Et on est mariés depuis 33 ans. Et alors, je voyais bien qu'il voulait changer physiquement, rajeunir. Je suis tombée sur plusieurs choses, des préservatifs, des médicaments préventifs sexuellement... pour avoir plus de puissance. Et alors, j'ai demandé au médecin pourquoi il se rasait partout. On m'a dit que c'était pour mettre des préservatifs et pour l'hygiène. Et voilà. Et puis alors. Mireille, c'est dans le fond le point commun. Vous me permettez le parallèle avec ce qui s'est passé hier dans le procès Westphal. C'est que Bernard Westphal découvre un moment une lettre dans laquelle on raconte de manière salace des rapports. Vous, vous tombez sur ce matériau, préservatif, médicament. Quel effet ça a eu sur vous? Quel effet? Ben, je lui ai posé la question ce que c'était. Il m'a dit que c'était pas à lui, alors qu'on n'était que nous deux de la maison. Les enfants n'avaient plus ici. J'ai une fille de 31 ans et un fils de 27 ans. Il a 12 enfants que j'étais folle, que je devrais me faire soigner. Et puis alors, je n'ai pas agi sur lui ni sur la personne qui est partie avec lui, quoi. Je préfère me rendre malade plutôt que de bousiller ma vie, parce que j'ai quand même mes enfants et une petite fille d'un an, quoi. Et la vérité entre nous, ça vous a rendu folle, cette découverte, tombée nez à nez avec des préservatifs? Folle, je savais qu'il fréquentait quelqu'un. J'étais pas folle parce qu'il fréquentait quelqu'un, mais c'est de me faire passer pour une folle et de toujours dire ben non, trop, il y a personne. De toute façon, on se parlait pas beaucoup, ben à la fin on ne se parlait plus du tout. Maintenant il est parti et alors il est violent envers moi. Vous avez eu des contacts avec cette femme, ce troisième individu, vous a parlé? Non, mais elle met des histoires sur Facebook que tout le monde voit. Et en fait, il est parti avec cette dame, mais ce n'est pas une dame qui pensait qu'elle était. C'est une prostituée, voilà. Maintenant, la maison, elle est vendue. On a vendu la maison le 4 septembre. Et alors, je lui ai dit, tu vas tout perdre pour des fesses. Maintenant, voilà, la maison est vendue. On a passé chez le notaire pour le divorce. Et voilà, 33 ans qui est foutu en l'air. Cette femme, puisqu'elle met des choses sur Facebook, me dites-vous, Elle exhibe, c'est une forme de provocation, elle exhibe ce qu'elle vit avec votre ancien ou actuel mari, peu importe. Ex-mari, oui. Il a acheté une voiture, donc elle met des photos sur Facebook qu'elle est avec en voiture. Il a rénové tout son appartement. Voilà, et alors elle met des photos aussi qu'elle est souvent avec des jeunes hommes. Elle est aussi dans la vie de Claude Barzotti. Et alors, c'est une personne connue du côté de Paris, parce qu'elle a une maison de Paris. Vous me permettrez de ne pas demander de nom, puisque les intéressés ne sont pas là pour raconter, se défendre et livrer leur position, chacun avec son histoire, et ça n'engage que ceux qui les racontent, bien sûr. Hélène, vous êtes en ligne dans quelques instants. Mireille Juprel, 33 ans de mariage. Merci. 070-233-466, par SMS, c'est également au 3063. C'est Eliane qui est en ligne, maintenant à Verviers. Bonjour. Bonjour, oui. Votre mari avait une maîtresse? Oui, il avait une maîtresse, oui. Ça vous a rendu folle? Bah, j'étais pas au courant. Je m'en suis pas rendu compte. Il avait une parfaite double vie. Vous vous en rendez compte comment? Bah, disons que il m'a carrément étranglé pour avoir l'argent et mon assurance vie, hein. C'était un crime passionnel. Donc, je me suis réveillée à plat ventre dans ma salle de bain. Il était minuit et demi. Et bah, j'ai compris que je devais fuir, donc j'ai pris mes trois enfants, 2, 4, 6 ans, je suis partie la nuit. Et c'était un ancien paracommando, donc il savait très bien où il fallait pousser dans la gorge pour étrangler quelqu'un. Eliane, quel est votre niveau de sécurité aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en sécurité? Oui, ça fait... Écoutez, il a été vu par un psychiatre qu'il a signalé schizophrène. Et donc, je suis les conseils de son psychiatre. Donc, je suis toujours jamais seule dans les bois. Je n'allais plus aux myrtilles et aux champignons. Avec antécédents médicaux. Mais vous êtes donc en sécurité. Ce matin, les fins d'histoire sont parfois intéressantes également. Nous allons maintenant au 070-233-466 avec le rôle des enfants et le comportement des enfants, parfois, Marion. Oui, les enfants peuvent aussi avoir des réactions excessives quand ils apprennent ce que leurs parents ont fait. C'est le cas pour Charles de Warren, par exemple. Il a vécu le divorce de ses parents très, très, très, très mal. Sa mère est partie pour son amant et Charles a littéralement pété les plombs. C'était il y a 60 ans, mais Charles s'en souvient comme si c'était hier. Il est entré dans une colère sombre qu'il n'a jamais revécue ensuite. Lucie de Senef, son fils a essayé de se suicider quand il a appris que son père partait pour une autre femme, qu'il allait recommencer sa vie ailleurs, qu'il allait avoir des enfants avec cette femme avec qui il avait trompé sa mère. C'est vous qui le dites à Liège. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. C'est une histoire ancienne, mais à l'époque, c'est vous qui avez trompé votre femme. Exactement, c'est moi le grand méchant loup. En fait, ma femme, à l'époque, faisait une dépression suite à la mort de sa maman. Et je ne l'ai pas compris tout de suite, la dépression. Et puis je me suis dit que le couple ne fonctionnait plus, ça a été la grosse cata, j'ai rencontré quelqu'un. Et donc, voilà, mais j'ai tout quitté. Philippe, un mot sur le moment qui nous intéresse. C'est ce moment où le ménage vit par la force des choses à trois. Est-ce que votre maîtresse, elle avait du respect pour votre couple et pour votre épouse du moment, ou ça lui importait peu de savoir ce qui arrivait à votre épouse du moment ? Non, non, au début pas. Au début pas, parce que j'ai voulu faire une marche arrière, parce que je me suis dit, j'ai vraiment fait le con. C'est un gros coup de sang, et j'ai voulu faire une marche arrière. C'est après qu'il y a eu le harcèlement, oui, oui, oui. Qui a harcelé qui, Philippe? Qui a harcelé qui? Ma nouvelle compagne de l'époque, moi-même et mon ex-épouse. Donc, elle comprenait pas pourquoi j'avais fait une marche arrière, qui n'a pas fonctionné d'ailleurs. Et c'est moi le grand méchant, donc... Mia culpa, mais c'est trop tard, il y avait mon petit garçon et tout ça. Et quand j'ai dit de cesser d'envoyer des messages, etc., je suis allé à la police, tout simplement, parce que voilà, la loi a fait force de loi. Et donc... Et donc c'est votre maîtresse qui est devenue folle par la force des choses. Oui, exactement. Exactement. Et elle a été jusqu'où, dans cette forme de colère, de rage, de haine, peu importe les mots, elle a été jusqu'où? Ben, c'est sonné à mon appartement, puisque j'avais un appartement, et donc c'est sonné à toutes les heures, très tard le soir, donc je travaillais. Et c'était des messages un peu menaçants, des méchancetés en parole. Ça n'a pas été jusque des menaces de mort, ni des coups. Et qu'est-ce qui a apaisé cette femme? Qu'est-ce qui a apaisé cette femme? Je crois que c'est ma détermination à dire que quand c'est fini, j'ai fait l'inverse avec ma femme, j'ai essayé de refaire ma vie avec ma femme, ça n'a pas été, quand c'est cassé, c'est cassé. Ah ben vous êtes dans l'analyse X années après, puisque vous nous aviez confié il y a quelques instants standard que tout ça nous replongeait il y a bien plus de 10 ans en arrière. Merci Philippe Liège. Ferrière maintenant, Jean-Claude bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'enfant d'un couple à trois? Un papa, une maman et un troisième individu? Au départ, je suis l'aîné, donc je suis l'enfant, l'aîné d'un couple normal. Et puis, c'est un briquet dans le couple, un amant, qui était soi-disant un associé, entre guillemets. Et puis, donc moi, j'avais une petite sœur qui est née, donc, tout à fait normalement, du début du couple. Et puis... C'est greffé deux enfants adultérins, je vais dire ça comme ça. Et comment vous avez compris, vous, petit garçon, qu'il y avait un amant dans le circuit, un troisième individu? Ah, ben, j'en ai souffert, puisqu'il se comportait très mal avec les deux enfants du premier lit, je vais dire ça comme ça. Vous avez eu des contacts avec ce troisième individu au début de la relation, ben, votre oui, maman bien et sûr, cet homme? Puisqu'il vivait dans le ménage, et mon père avait un gros boulot, c'était un ingénieur, donc il partait souvent, donc les absents ont toujours tort, je suppose. Qu'est-ce qui se serait passé si ce type vous avait fichu la paix? Si ce type n'avait pas existé, qu'est-ce qui se serait passé? Ah ben j'aurais une vie de rêve. Enfin, moi j'avais des parents qui ont fait un mariage de rêve, mais qui a été l'enfer après. Moi ça a été les internats, les pensions, les colonies de vacances... Et compagnie, hein, jamais plus une vie normale. Complétez la phrase. Hier, Bernard Westphal a dit à propos de l'amant, si ce type nous avait fichu la paix, Véronique sera toujours de ce monde. Vous avez complété, si ce type nous avait fichu la paix, j'aurais eu une vie de rêve. Ferrière. On va marquer une nouvelle pause et dans un instant, question qui dérange. Les assistants sociaux au CPS doivent trahir le secret. Est-ce que ces gens sont encore dignes de confiance? Ce week-end, Vivacité vous invite à la première de l'événement musical de la rentrée parisienne, Les Trois Mousquetaires, le spectacle musical. Avec Olivier Dion, Damien Sargue et David Ban. Les Trois Mousquetaires, retrouvez-les déjà ce soir dès 19h sur Vivacité. Et samedi dès 10h30 dans le Tip Top, Vivacité vous offre vos places pour assister à la première du spectacle le 29 septembre au Palais des Congrès à Paris. Bonjour, c'est Philippe Jauniaux. Ce samedi 24 septembre, c'est la journée du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vivacité s'y associe. Nous serons en direct d'Andenne entre 14 et 16 heures pour une émission spéciale consacrée au trophée commune sportive. Avec David Bertrand, nous recevrons également nos sportifs de haut niveau. La fête du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est ce samedi à partir de 14 heures sur Vivacité. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Ah, la nature. Les petits oiseaux. Kikui. Le grand air. Et nous, rien que nous. Ouais. Pas une maison. Pas un village à 10 km. Non, parce qu'il n'y a rien. Et pas le moindre distributeur Ford à l'horizon. Pouh, et l'horizon, c'est loin. Oh oui, c'est loin. On s'en va ? On s'en va. Eh oui. Résister à la très belle finition sportive ST-Line des Ford Fiesta, Focus et Mondeo aux performances des du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. Ce message s'adresse à vous qui travaillez durement pour votre argent ou disposez d'actions depuis longtemps. Vous qui ne savez plus comment gérer vos investissements dans ce contexte aussi changeant. Pour vous, CBC met à disposition des conseillers qui vous feront des recommandations sans se défiler, tenant compte de l'actualité et des avis de nos analystes financiers. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Les assistants sociaux des CPS devront briser le secret professionnel. On appelle le président de la fédération des CPS dans un instant. Dernier éclairage au standard, Marion. Et le problème pour Noël de Nassogne, c'est que le gouvernement demande aux assistants sociaux de jouer le rôle de la police. Si l'assistant se trompe et dénonce une mauvaise personne, elle aura brisé la relation de confiance pour rien. Or, tout leur travail repose justement sur cette relation de confiance. Willy Borchu a donc précisé ce matin, il est ministre de l'intégration sociale, que la modification de loi était prête. Désormais, les assistants sociaux pourront dire. Président de la Fédération des CPS, Luc Van Dormaal, en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Que les choses d'abord soient claires. Oui. Ok. Que les choses d'abord soient claires dans notre esprit. Est-ce que cette obligation de trahir le secret professionnel vaut uniquement pour les assistants sociaux ou tous les travailleurs de CPS devront dénoncer ? Écoutez, à ce stade, ça ne me paraît pas être très clair, puisque je n'ai pas vu le texte de loi du ministre. Mais ce que nous avons déploré lorsque nous avons parlé de la chose avec lui, c'est qu'on ne visait que les travailleurs sociaux, le monde du CPAS, et non pas les médecins, les avocats. Il me semblait qu'il y avait là effectivement une discrimination. Les assistants sociaux, jusqu'ici, avaient une pratique ou une tendance à dénoncer, ou ces gens vivaient murés dans le silence ? Écoutez, ce que nous avons avancé comme argument, c'est que le cadre juridique actuel nous paraît suffisant. Mais par contre, qu'une certaine information, qu'une bonne information n'est pas toujours prodiguée. Et donc, quand on dit que le cadre actuel nous paraît suffisant, nous faisons référence à l'état de nécessité qui, dans le cadre du secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal, qui donc peut justifier une levée de ce secret professionnel. Ça, c'est le texte. Voilà. Mais donc, je vous repose la question de la pratique. Est-ce que jusqu'ici, plusieurs assistants sociaux ont déjà utilisé le texte existant pour dénoncer ou, à votre connaissance, ça n'est jamais arrivé ? Je pense que nous sommes dans une situation tout à fait exceptionnelle. Nous en sommes conscients. Et ce que je ne voudrais pas laisser passer comme information, c'est que les CPS couvrent des actes de terrorisme. Et effectivement, je pense que nos travailleurs sociaux sont très très très attentifs à la chose et ils consacrent vraiment toute la vigilance qui est nécessaire. Donc, ce que je déplore un petit peu, c'est qu'on fait passer à travers cette information le fait qu'ils ne seraient pas vigilants. Les assistants sociaux sont-ils encore dignes de confiance ? Parce que dans tous les cas de dénonciation, de signalement, se pose la question des erreurs, se pose la question de la juste appréciation. Est-ce qu'ils sont encore dignes de confiance ? Bon, écoutez, quand on dit qu'il faut une meilleure information, ça veut dire aussi qu'il faut un meilleur encadrement des travailleurs sociaux et qu'il faut mettre au sein des institutions que sont les CPS des dispositifs qui permettent aux travailleurs sociaux de parler de doutes à ce sujet. Et effectivement, il ne faut pas non plus qu'on commence à dénoncer à tout va sur base de suspicions qui seraient tout à fait illégitimes, s'agissant quand même de considérer que la relation de confiance qui est établie entre le travailleur social et l'usager est quelque chose qui nous paraît primordial. À cet égard d'ailleurs, je dois dire que lorsque le ministre précise qu'il ne souhaite pas élargir ça à d'autres cas de figure. Cela nous rassure quelque part, mais ça n'enlève rien de préoccupation sur le sujet dont il est question ici. À ce stade, est-ce qu'il y a déjà un guide de bonne pratique, même partiel, disant à l'assistant social, si le client vous dit que, alors il y a doute, si le client vous dit que, alors il y a doute, est-ce qu'il y a déjà un guide de bonne pratique? Écoutez, nous avons effectivement préconisé l'existence d'une circulaire claire à ce propos-là. À ma connaissance, ce qui existe pour l'instant est très différent d'une institution à l'autre, c'est-à-dire que des CPAS envoient leurs travailleurs sociaux dans des formations où là, il y a toute la possibilité de discuter de ces choses et de développer ses compétences par rapport à de telles situations. C'est un peu comme les situations de maltraitance, hein, où finalement, il est très rare qu'il y ait vraiment une situation avérée. Donc le plus souvent, les personnes sont dans le doute, et c'est bien pour ça qu'au-delà d'un guide de bonne pratique, il y a vraiment tout un encadrement psychosocial à mettre en place. Ah, et puis après, il y a la réponse policière ou la réponse judiciaire, évidemment. Signaler quelqu'un ne signifie pas culpabilité et ne signifie pas procédure immédiate. Vous êtes Luc Van Dormaal, président de la Fédération des CPS Wallon. Merci pour l'éclairage ce matin. D'ici à la fin de l'année, le texte de Willy Borsu sera effectif et les assistants sociaux pourront dénoncer. On va vers les enseignements dans un instant, juste après la pause. Besoin de changer vos châssis? Ne cherchez plus. Allez chez Sebati, revendeur Finstral pour votre région. Vous y trouverez les châssis et les portes dont vous rêvez. Ils s'occupent de tout. Visitez les deux showrooms Sebati à Rebec et Braine-l'Alleud. Conditions irrésistibles pendant les portes ouvertes du 24 septembre au 1er octobre. La ville, le stress, le bruit, stop! Au cœur du Brabant Wallon, laissez-vous séduire par la quiétude des jardins de l'Orne. Dans un écrin de verdure, appartements et maisons de standing s'offrent à vous. Profitez d'une qualité de vie exceptionnelle à 5 minutes de Louvain-la-Neuve et 12 minutes de Nivelles. Gdo.be. Les jardins de l'Orne, votre avenir, grandeur nature. Envie de découvrir votre future résidence? Rendez-vous à l'Esplanade du 19 au 24 septembre et sur Gdo.be. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Tu sais, chez Abio... Oui, je sais, dommage qu'Abio me le fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abiome. Fenêtres, portes, véranda. Abiome.be. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Pas pour les canapés. Abiome. Depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions automne à moins 30%. Abiome. Fenêtres, portes, véranda. Abiome.be. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil. Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Avec le soutien des Lions, Trends Tendance et l'avenir.net. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et nous voici au moment des enseignements. Les assistants sociaux des CPS qui devront trahir le secret professionnel débriefent sur la page Facebook. C'est vous qui le dites, Zoé Boss. Et sur la page Facebook, vous êtes 41 249 à commenter. Il y a André qui, pour lui, depuis le début des attentats, nous sommes en guerre et il faut utiliser toutes les armes légales et administratives possibles, m'a-t-il dit. En état de guerre, il n'y a plus de place pour la démocratie et tarte à la crème. C'est sur notre page Facebook, bien sûr, Benjamin. Vous avez souhaité une conversation sur la présence d'un amant dans un couple. Est-ce que ça peut rendre fou? Dans les enseignements de ce matin, la réponse à la question, est-ce que ça peut rendre fou? Oui, jusqu'à la violence. C'est ce qu'ont dit notamment Noël à Nieuport et Franck à Rocourt avec beaucoup de franchise, puisqu'ils ont fantasmé la mort du troisième individu. La responsabilité, celle du troisième individu, est celle de celui qui trompe. Il porte, d'après vous, la même responsabilité dans la dégradation des éléments de vie. Et puis, des histoires anciennes, vous l'aurez entendu, mais qui sont toujours aussi vives qu'au premier jour. Dernière personne à laquelle vous avez parlé, au standard, Marion. C'était Marc Déterbé, que son ex-femme l'a trompé avec son meilleur ami. Tout le monde le savait, sauf lui. Cette histoire a explosé sa famille. Marc et ses enfants souffrent et dépriment. Ils ont une haine en eux qui ne s'effacera jamais. Marc y pense tout le temps. Il se demande s'ils arriveront un jour à passer à autre chose, s'ils réussiront à retrouver une vie de famille normale. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur cet individu qui ne fiche pas la paix. Parmi les moments de ce matin. Ce matin, il y a eu Noël de Nieuport à 10h15. Noël est un homme trompé. Il a du mal à le vivre. Il ne veut pas se laisser faire. Mais pour le moment, Noël a ses 4 enfants. Alors, il reste patient, il reste sage. C'est pas que ça peut rendre fou, ça rend fou. Je suis complètement fou, là, en fait. Quand lui, il va passer entre mes deux mains, il est mort, c'est tout. Vous êtes fou de violence? De violence, mais pour l'instant, je peux rien faire, vu que j'ai mes 4 enfants en charge, vu qu'elle les a abandonnés à moi et tout. Donc pour l'instant, je ne fais rien, mais ça se passera pas comme ça. Mais totalement. Quand vous avez bâti quelque chose sur 26 ans, vous avez un confort matériel, vous êtes bien tranquille, et puis que vous découvrez ça, même que je l'avais déjà prévenu, le garçon, je l'avais prévenu 2 ou 3 fois, je lui avais dit, si tu tournes autour de ma femme, on va avoir des problèmes, etc. Le jour où vous découvrez ça, je savais exactement où le gars était, j'avais une arme sur lui, j'étais prêt à le tuer. Quand ça va pas chez elle, ben elle vient chez moi, donc environ 2 fois par semaine. Mais pourquoi un amant reste amant? Pourquoi un moment le couple ne se déclenche jamais? Je lui ai déjà posé la question, mais elle m'a dit comme ça qu'elle préférait quand même rester comme ça. Bon, moi ça m'arrange parce que je suis pas embêté, et elle ça l'arrange parce que quand ça va pas chez elle, ben elle vient chez moi. Mais rendu fou, on perd tous ses repères, forcément, donc surtout quand on a un enfant de 6 mois, en bas âge, etc. Donc, mais voilà, donc soit on est quelqu'un qui a une force de caractère et on avance dans la vie, et voilà, donc il faut se battre pour avancer, et ça a toujours été le cas dans la vie. Donc moi j'ai préféré quitter, c'est la seule bonne solution à faire. Quand on est trompé, on quitte et on ne va pas tuer quelqu'un. J'étais pas folle parce qu'il fricotait quelqu'un, mais c'est de me faire passer pour une folle et de toujours dire, ben non, tu te trompes, il n'y a personne. De toute façon, on ne se parlait pas beaucoup, mais à la fin, on ne se parlait plus du tout. Maintenant, il est parti et alors il est violent envers moi. Voilà pour nos 2 heures de dialogue. Cette conversation, celle-là et les autres, continue évidemment sur la page Facebook, c'est vous qui le dites. Chacun, je le redis, avec son histoire. Et ça n'engage évidemment que ceux et celles qui ont décidé de livrer leur parole ce matin. 070-233-466, fermé pour l'instant. Passez un excellent mardi et on se retrouve demain à 9h avec 3 débats sur la table.